Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien le bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez démarré la semaine en trombe et que vous êtes heureux évidemment de nous retrouver. Quand je dis nous, c'est essentiellement donc une table masculine avec, allez, on va commencer par le plus jeune, celui qui vient, le dernier qui a été baptisé, évidemment, c'est Flipkat. Eh oui, bonsoir. Comment bonsoir ça va à tous. Bah pas trop mal. Ouais. T'as pas une voix normale là. Non, c'est parce que c'est à force de tousser, voilà quoi. Ouais. Oh, une petite crève, mon petit lapin. Ouais, chose qui est rare chez moi. Ouais. Mais tout ce qui est rare est cher, n'est-ce pas? Ouais. Bon, ce soir, petite chronique, non? Non, logiquement, il était pas prévu que je sois présent, donc j'ai pas préparé. Puis là, je redémarre le taf et j'ai eu pas mal de boulot. Parce que je suis en déplacement, je suis pas sur la région du tout. Quoi. Ah oui, t'es sur Calais, je crois, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, donc voilà. Bon, écoute. Mais est-ce que je ferais éventuellement, vu l'heure à laquelle je m'attendais pas à terminer aussitôt, je vais prévoir pour la semaine prochaine, comme ça, le cas échéant, si je peux être présent, j'aurai quand même une chronique. Eh ben, ça marche. Voilà. Bah, écoute, mais tu es avec nous ce soir, c'est le principal, tout comme Sherlock également qui est avec nous. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Là, tu vas mieux, là. Juste avant de prendre l'antenne, t'étais un peu. Ah ouais, non, mais je le sais toujours, mais voilà quoi, c'est l'antenne, d'accord. Ça redonne un coup de boost. Alors, nous ne le dirons pas que notre Sherlock a la coulante, mais ça ne nous regarde pas. Non, voilà. C'est pas la coulante, c'est une rhinite du fondement. C'est ça, ouais, voilà. Il a une rhinite du fondement. Non, je sais pas, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce que t'as, mon ami Sherlock? Mais oui, c'est clair pour ça en fait. Ah ouais, ouais, ah, ouais. Gastro. Ah ouais, mais depuis ce matin, j'en ai plein le cul. C'est façon de parler quoi, d'accord. Mais aussi. Donc derrière le studio, derrière la table, il y a une chaise percée. Voilà, c'est voilà. Ça. Donc si vous entendez des bruits incongrus, c'est Sherlock. Donc Sherlock, évidemment, ce soir à 21h. Oui, la chronique ciné rétro 80. Ouais. Je vais essayer de vous faire deviner un film que j'ai regardé cette semaine. Ouais. Et à 22h, je vous parlerai des sorties ciné de la semaine en Belgique et en France. Ah bah bien, nickel. Bah écoute, c'est noté dans le programme, donc 21h, 22h, vous aurez l'occasion d'entendre Sherlock, vous l'entendrez entre-temps évidemment, mais surtout pour la chronique ciné et la chronique rétro ciné 80. Il est avec nous aussi également, le grand, le ténébreux, le grisonnant, le canonique. Je t'emmerde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, mais pas bonsoir à toi. Mais pourquoi tu m'emmerdes? Parce que tu dis gros mots. Je suis pas grisonnant. Autour de la table, t'es pas le seul grisonnant. J'ai jamais remarqué qu'en fait, je suis pas grisonnant, je me peins un peu en gris pour essayer de me mettre une certaine maturité par rapport à vous. Mais en fait, je suis tout à fait châtain clair. Alors, excusez-moi, mais je vous regarde les trois là, les gars, là. Sherlock, Flipkat et Canon. Ça fait un beau petit dégradé de gris, tu vois. Mais alors, voilà, on commence avec Sherlock. Après, alors je sais mais pas. Mais je dois te rappeler que j'en ai quand même 52, donc. Ah oui, non, mais bien sûr. Bah, mais franchement, ça me t'as 52 pas. Cheveux là sur ta mèche. Putain, c'est impressionnant. Donc, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Je préfère avoir des cheveux résolus. Non, mais je me compte dans le dégradé. Disons que moi, je commence en premier, ensuite. Enfin, toi, ils se dégradent en l'ombre, en fait. C'est surtout ça. Hein? Ils sont plutôt clairsemés, toi. Hein, tu te dégraisses. Ah ouais, un peu, évidemment. Le jardinier Coca-Cola est passé par là. J'ai des petits gris quand même. Un petit peu. Ouais, mais toi, ça se voit moins. Ouais, parce que t'as plus beaucoup de cheveux. C'est normal, c'est les poils. Arrête, quand même, il m'en reste. Oh. C'est normal, ça se voit moins, c'est les poils pubiens. Mais moi, je le vois en spectacle. Alors là, on pourrait faire aussi un dégradé de cheveux pour savoir qui en a le plus dans le studio. Je pense pas que je sois le premier ni le dernier. Attention, parce qu'on risque d'avoir des invités. Si tu commences à parler un peu de cheveux gris, cheveux blancs. Je parlais que de cheveux gris. Tu adorais, merde. Parce qu'effectivement, Canon, tu peux nous l'annoncer. Nous sommes avec. Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie, en fait, qui organise des soirées régulièrement sur Moucron au domaine de la Blomerie. On l'avait déjà reçu et puis il est là avec nous pour nous parler d'un événement qui aura lieu samedi 14. Donc au domaine de la Blomerie, ça va bouger. Et puis c'est complètement dans l'actualité puisque c'est sur les années 80-90. Donc 90, comme on dit, voilà. Donc ça va super se passer. On va lui laisser la parole juste après, puisque je suppose qu'on va se faire une petite coupure. Ah bah ouais, carrément. Mais comme on l'annonçait, c'est l'occasion aussi, ben c'est vraiment une soirée où ça bouge beaucoup, ça a déjà été fait, ça remporte un très très grand succès. Et puis si vous avez envie de faire la fête le 14, eh ben, il y aura des places à gagner. Donc on va donc restez à l'antenne, évidemment. Restez à l'antenne, on fera pas ça à 23h, vous inquiétez pas, on va mettre ça en place dans l'heure pour vous poser une ou deux petites questions sympas sur les années 80, par exemple. Hein, on va se concerter et puis pour gagner quelques places. Voilà, qui ont une valeur de entre 13 euros, je crois, quand même, hein, qui vous permettront de rentrer gratuitement à l'événement et de faire la fête avec des très très bons DJ. Oui. Si je dis par exemple DJ Pimpon et DJ Benny, Benji, pardon. DJ Benji, ouais. Je confonds, il y a Benny et Benji, et voilà, qui sont assez connus sur le milieu moukronois, et ça bouge pas mal. Donc on vous fera écouter ça après. Juste après la coupure musicale de notre ami Sherlock. Eh oui, avec donc Cookie Lingler, avec Femme Libérée. Ouais. Et ensuite on reviendra avec Van Halen et Jump. Ah ouais, c'est bien. Allez. Bah en fait c'est leur anniversaire aujourd'hui. Du groupe ou de... Non, de David Lee Roth pour Lee Roth. Van Halen. D'accord. Et de Christian Cookie Lingler. Ah. Ouais, qui s'appelle Christian en fait. Hein. Vu comment t'as mal au ventre, mais pas de Jump. Et allez. Donc c'est l'anniversaire de Christian Cookie Lingler. Eh ben, bon anniversaire Christian alors. Cooking. Allez, bon anniversaire David. Ouais. Ouais. Je sais pas si lui nous écoute. Non, je Christian pas. Peut-être, mais David mais je pense point. Voilà. On sait jamais, on sait okay. jamais. Cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Quand même, il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Non. Thank you. Jump avec évidemment Van Halen. Donc c'est l'anniversaire de David Lee Roth. C'est ça. Et ben on va tous en cœur lui souhaiter un bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. David Lee Roth. Happy birthday to you. Alors effectivement, à mon avis, il y a peu de chance qu'il nous écoute. Il y a peu de chance qu'il nous écoute. Pourquoi des morts ? Ouais, je me doute. Non, mais c'est surtout que David Lee Roth, à mon avis, il n'a d'autre chose que d'écouter donc l'émission 80 à l'heure. Non, mais je pensais plus à Cookie Dingler, tu vois. Ouais, bah on le salue aussi au passage, qu'on avait déjà rencontré plusieurs fois, évidemment, sur différents galas, et évidemment dans les coulisses de la RFM Party 80, qui est devenue Star 80. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, donc nous sommes avec Jean-Marie pour nous présenter une soirée qui, ma foi, fait parler d'elle. Alors, il y a eu plusieurs déclinaisons de cette soirée. Cette fois-ci, c'est une soirée années 80-90. 80 et 90, oui. Ouais. Alors, si tu regardes un peu le flyer, c'est bien marqué 80-90 et plus, parce qu'on parfois on a nos DJ qui débordent un peu sur les meilleurs standards des années du début des années 2000, donc le plus veut dire ça. Mais on est très très braqué sur le 80 et le 90, avec uniquement des standards, des hits, de quoi danser non-stop. Ouais, alors je sais qu'il y a dans les soirées il y a un petit planning. La soirée démarre plus 80 et puis après on va un peu plus vers les 90 et pour terminer sur du plus contemporain, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est exactement. On démarre très fort sur le 90, on monte en puissance vers les 23h. Il y a une chose qui est incontournable, je demande à mes DJ et ils le font bien, c'est qu'à 23h30 par là, on a automatiquement notre première série de slow qui n'existe plus nulle part, ouais. Avec des gros standards français et américains. Et ça plaît à tout le monde. Tu m'étonnes. C'est la première pause. Ah ouais, non, mais complètement. C'est le quart d'heure américain ou pas ? Enfin, un peu. Chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas de piste de danse chez nous. On danse un peu à côté de sa table. Mm-hmm. On peut inviter la table à côté. On n'est pas obligé de traverser toute une salle parce que c'est grand à la Blomerie. Bien sûr. Donc on n'est pas obligé de traverser toute une salle pour ça. On a une trentaine de tables qui sont posées. Chacun danse autour de sa table. Nous avons deux salles. Donc les DJ sont dans une salle, mais ils sont reportés dans l'autre salle. Ah oui, donc il n'y a pas deux ambiances différentes, c'est la même ambiance dans les deux salles. C'est la même ambiance, c'est le même éclairage, et les mêmes DJ sont reportés dans l'autre salle via un écran géant de 4 mètres sur 3. Ah oui, quand même. Ah, ouais. Ah, c'est la grosse machine. Ah, mais je vous invite à... voilà. C'est la grosse machine, même au niveau du son et au niveau des lumières. On a tout, on a des lasers, on a les nouveaux spots, on a des lèche-murs, on a des machines à fumer. Lèche-murs, c'est le nouveau spot à la mode. Ah ouais, le lèche-murs. Qui se commande sans fil. Ah bien. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc nouveauté. Oui, donc ça... nouveauté que vous allez découvrir samedi. Je vous invite vraiment à y aller parce que moi c'est pas l'histoire là de faire de la promo et tout ça, mais j'ai déjà vu, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on se plaint toujours, alors soit on a des petites soirées, soit parfois on se dit bah on aimerait bien aller dans des gros concerts, des gros trucs, il va y avoir je pense de 800 à 1000 personnes comme tu me disais, donc ça bouge vraiment, il y a la fête. Mais derrière voilà, c'est sonorisé, c'est pas la musique de fond de caisse là qu'on entend et qu'à la fin vous entendez plus rien, c'est super sonorisé, les écrans géants, il y a de l'ambiance de mort, il y a de quoi boire, il y a de quoi je sais pas de manger, grignoter un truc exactement non, cette ça, année on aura même une petite un petit food truck qui va être dans les jardins. C'est long. Et qui permettra de se restaurer un petit peu entre deux boissons ou bien avant de rentrer chez soi, voilà. Voilà, histoire d'éponger un peu. Et éponger comme on dit. Ouais, absolument. Alors, il y a quand même deux têtes d'affiche, il faut en parler. Il y a DJ Pimpon et DJ Benji qui vont jouer à cette soirée. Alors, moi je connais DJ Pimpon un peu moins DJ Benji, mais on peut quand même un peu les resituer parce que DJ Pimpon, il date pas de la dernière pluie. DJ Pimpon, c'est un DJ que je connais depuis des années, qui sort toutes sortes de musique, il s'adapte à tout. Il est très polyvalent et à chaque fois, il reste mon disque jockey numéro 1 et à chaque fois, je lui mets avec lui un deuxième DJ. Cette fois-ci, c'est Benji, qui fait partie d'une famille de musiciens, puisque c'est la famille de l'orchestre Sébastien. Ouais. Donc c'est un jeune qui va très bien. C'est Benji Renard d'ailleurs. Benji Renard. Oui. Non, son vrai prénom c'est Jonathan. D'accord. Ouais, Jonathan Renard. Oui, j'ai vu passer des tracks sur lui. Mais il est très bon, il va s'adapter et voilà. Et qui est dans une tradition de la famille l'orchestre Sébastien. Sébastien voilà. Qui connaît un peu la musique. Hein. Alors DJ Pimpon se produisait dans toutes les boîtes de la région. Il a fait pas mal de choses. Il se produit dans énormément de boîtes de la région. Il est très polyvalent. Il fait énormément de mariages, de soirées, aussi bien en France qu'en Belgique. Donc, c'est une pièce maîtresse de notre animation. Ils sonnent bien, entendu. Et donc, ça, cette soirée donc, qui s'intitule Hit 80-90, voilà, et plus, évidemment, ça a lieu donc le samedi 14 octobre. Dans 3 jours, 4 jours, voilà, oui, samedi, qui arrive. Samedi ici, donc dès 21h, donc les points de, il y a des points de pré-vente, puisque la pré-vente est à 10 euros. La pré-vente est à 10 euros, nous avons 3 points de pré-vente sur Moucron, c'est-à-dire il y a un café qui se trouve au Risquontou, en face de l'église, qui est le café La Terrasse, chez GG. Il y a la table d'amis qui est à côté du McDo et qui est tenue par Sandrine. Mmh. Comme son nom l'indique, la table d'amis. Voilà, Ami, c'est le nom de sa fille. D'accord. Et comme la chanteuse. D'accord. Et le troisième point de vente, il est à Hirzo, en face de la gare, c'est le plan B. Chez Franz, évidemment. Chez Franz. Ou on peut directement aller à la Blomerie, rechercher des cartes, elles sont disponibles toute la journée. Donc voilà. Voilà, alors en sachant que donc, les préventes sont à 10 euros, le soir même c'est 13 euros. C'est 13 euros le soir même, oui. Voilà, donc autant aller en prévente, hein, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et puis, on a une bonne nouvelle ce soir. Il y a une quatrième solution. Et oui, Jean-Marie nous apporte une très très bonne nouvelle, c'est que, on va te laisser nous l'annoncer, bien évidemment. Non, j'ai le plaisir de... Nous allons vous offrir des places, quelques places gratuites. Donc, suivant un jeu que nous allons émettre directement ici, il suffira simplement de répondre. Le premier qui répond, voilà, le premier qui répond sera servi. La bonne réponse gagne 2 places. Voilà, nous travaillons par lot de 2 places. Alors c'est via Facebook, hein. Donc il faut tout simplement aller sur la page Facebook de 80 à l'heure, excuse-moi, que ça sera nominatif, évidemment, et que donc c'est pas des places à prendre pour ne pas y aller, essayer de les revendre, puisqu'elles seront nominatives, et les gens, faut qu'ils prennent contact avec nous, se présenteront à la caisse en disant, on vient de la radio RQC, c'est tel nom, et à l'entrée, ils passeront donc directement, voilà. Exact. Donc il faut le nom, il faut le prénom, bien évidemment, et ensuite, si vous avez remporté ces places, il suffira, comme le dit si bien Canon, de vous présenter à l'entrée avec votre carte d'identité, bien évidemment, ou alors votre permis, ou alors votre passeport, ou alors qu'importe, mais en tout cas, prouvez votre identité. Oui, nous, on saura les noms, mais il ne faut pas gagner les places pour les revendre, parce que la personne, malheureusement, ne pourra pas rentrer. Si, ça ne va pas le faire. Voilà, ça ne va pas le faire. Alors, pour pouvoir remporter ces places, une première question, est-ce qu'on ne demanderait pas, et quel est, de nous citer simplement l'un des 2 disques jockeys qui sera présent à cette soirée, et qui va jouer et mettre l'ambiance? Absolument, on a cité les 2 noms, etc. Il y en a, si vous pensez aux pompiers, le premier qu'on a cité, vous devriez le trouver très rapidement. Alors, il y en a deux, si vous nous donnez donc le nom d'un des 2 disques jockeys, eh bien, c'est très simple, vous remportez ce soir 2 places pour la soirée, donc 80, 90 et plus. Donc c'est au domaine de la Blomerie, donc à Moucron. Il suffit pour ça de nous donner votre nom, votre prénom, donc sur la page Facebook de l'émission 80 à l'heure. Et puis on vous donnera la réponse, bien sûr, en direct. Vous avez quelques minutes, le temps qu'on se fasse quelques coupures musicales. Et si vous nous rejoignez après, on fera un deuxième jeu où je pense qu'on va essayer encore d'avoir 2 places. Absolument. Voilà, donc il faut répondre vraiment. Je viens de mettre la question sur... sur Facebook, la page de l'émission. Répondez vraiment en commentaire. Si vous envoyez un message à part, je pourrais pas le voir forcément. Voilà. Donc répondez vraiment en commentaire de cette question. Les 4 premières personnes, c'est ça? Non. Les deux premières. Là, on joue pour 2 places. 2 places, donc je vous rappelle de nous donner donc le nom d'au moins un des 2 disques jockeys qui se produira donc à cette soirée, donc le 14 octobre, au domaine de la Blomerie à Moucran. Ça va vite, hein, on a déjà une réponse. Bon, ce sera le premier. En tout cas, c'est bien. On va faire une coupure musicale. Avec deux hits aussi des années 80. Yazoo avec Don't Go. Ah ouais. Et Frankie Goes to Hollywood avec Relax. C'est parti. C'est parti. Salut ses partenaires. Salut ses particuliers. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Ah ouais, j'aime bien, je m'en lasse pas. Hein, c'est, Ah, j'aime bien aussi. Alors, c'est peut-être un titre que vous allez retrouver d'ailleurs dans la soirée donc, du 14 octobre à la Blomerie. Un titre que vous retrouverez dans la soirée 80 et 90 et plus, puisqu'en fait ça va couvrir hein, tout l'univers musical des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Hein, concrètement, Jean-Marie, ça va être ça. Hein. Non, pas aujourd'hui. On va s'arrêter au début des années 2000, 2005, 2007, on va pas trop faire de 2017, sauf quelques morceaux qui sont vraiment hors pair. Ouais. Mais non, c'est parce que on veut garder cette ambiance 80 et 90 qui nous va très bien. Et donc on se permet le luxe de mettre plus pour faire du 2001, 2002, 2005, style un peu Shakira, Cher et compagnie, les gros succès qui ont ah bah oui, du début carrément. Des années 2000. D'accord. Shakira. Et donc, on a un gagnant. Oui. Alors, c'est le premier à nous avoir répondu, puisque la question, Jean-Marie, c'était la suivante. Tu peux nous rappeler la question pour gagner donc deux places à la soirée du 14 octobre. La première question que vous avez posée, c'était de citer l'un des deux DJ qui participait à la soirée. Voilà. Donc, je vous donne la réponse si vous voulez. Ah, bah oui. DJ Pimpon et DJ Benji. Et donc, à l'informatique nous ouais. a répondu, donc DJ Pimpon, donc il a bon, donc il remporte ses deux places. Alors, Alain, on va te demander un petit service. Il va falloir qu'en message privé, tu nous donnes ton nom, ton prénom et ton nom, parce qu'à l'informatique, comme c'est un pseudonyme, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, si on message. Tout le monde l'a attendu, tu vas voir 30 personnes, bonjour, c'est à l'informatique. Voilà, exactement. Donc, il faut impérativement que tu nous envoies donc, ton prénom et ton nom, donc usuel, le vrai de vrai, et là on va se marrer, de façon à ce qu'on puisse le communiquer donc à Jean-Marie, comme ça quand tu viendras donc à la soirée donc du 14 octobre, et bah, tu seras donc le bienvenu et invité, bien sûr par Jean-Marie qui est l'organisateur. Ouais. Donc, et par radio. Et par la radio. Oui, bien sûr. Oui, non, et par la radio. En fait, moi je suis là que pour vous donner des places que vous allez faire gagner. Ouais. Non, mais c'est, ah gentil, ouais, c'est gentil de ta part. C'est la radio qui nous invite, c'est la radio qui mérite de faire gagner ses auditeurs. Bah, c'est très gentil. Bah, déjà, merci de nous avoir choisis, c'est vrai. C'est normal, ça fait plaisir, on est chez nous ici. Hein. Ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est alors, vrai, c'est rappelons quand même, Jean-Marie, que tu n'en es pas à ton premier coup d'essai. Alors, je ne sais même pas le nombre de soirées que tu as pu faire à la Blomerie dans d'autres endroits aussi prestigieux. Tu en as à combien de soirées? À la Blomerie, je pense que nous sommes à notre 12e ou 15e soirée. On en a deux qui sont très, très, très connues. C'est donc celle qui va se passer samedi, donc qui est toujours sur les années 80-90. Et on en a une autre qui marche excessivement bien, qui a lieu au mois de mars chaque année, aux alentours du printemps. C'est le premier grand événement de l'année. Et cette soirée s'appelle 69-99. Et là, ah, oui. Là, les critères sont. T'as réveillé Sherlock d'un coup. 69, j'ai entendu. 78, c'est réveillé. Pardon ? Voilà, j'ai. En fait, j'ai choisi ce nom parce que ça va bien. C'est un. Comme on dit, c'est des bons chiffres. Et si vous les prenez, ils sont tous le même chiffre qui est à l'envers et à l'endroit. Voilà, exactement. Donc, ça... Mais on se tient à tous les morceaux qui sont de 69 à 99. Il n'y a rien de 2000, il n'y a rien de 66. Ouais. D'accord. Voilà. J'y serai, je t'ai promis, parce qu'on est toujours tombé, en fait, c'est des soirées, j'ai pas pu toujours aller à toutes les soirées. Bah non, c'est vrai. En mois de mars, j'ai dit, dis-moi les dates avant et tout ça, je vais me prévoir le week-end, je vais là. On le commence à 6h du matin, on le finit à 6h du matin, deux jours après. La prochaine aura lieu le 17 mars 2018. Ah, on aura le temps de communiquer d'ici là. Mais voilà, veuillez noter. Ah oui. Ce qui est important, c'est de noter samedi ici, samedi soir, puisqu'effectivement, bah, c'est dans 3 jours, hein, si vous calculez. Alors, on va dire jeudi, vendredi, samedi, ouais, c'est dans 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, dans 4 jours. Dans 4 jours, je suis un peu décalé là, au niveau des c'est jours. J-4 aujourd'hui. J-4, donc le samedi 14 octobre à la Blomerie. Alors évidemment, on va vous faire gagner d'autres places, puisque Jean-Marie nous fait ce plaisir-là de vous proposer, vous, chers auditeurs, donc de gagner d'autres places. On peut peut-être lancer une question. On peut lancer une question, il n'y a aucun problème, c'est vous qui décidez. Alors vas-y Jean-Marie, à toi de décider de la question. Les questions que je vais vous demander. Pas trop simple non plus. Hein. Non. Bah, simplement, on en a parlé 3, 4 5 fois. Où va se dérouler cette soirée? À quel endroit va se dérouler cette soirée? C'est difficile. Voilà, on nous demande simplement de nous donner l'endroit où va se situer la soirée de samedi soir 14 à partir de 21h. Ah, c'est dur de ne pas donner l'endroit, justement. J'ai failli le donner. Alors, ça se passe à Moncron, dans un endroit extrêmement connu. C'est du côté du zoning. Vous pouvez pas le louper, c'est une belle salle de réception. C'est une des plus belles salles qui existent à Boucron. Absolument. Vous pouvez pas le louper, mais vous connaissez de toute façon les soirées qui sont organisées par Jean-Marie. 69, 99, c'est lui. Là, cette fois-ci, c'est la soirée 80, 90 et plus. Si vous voulez remporter donc deux places, donc vous pouvez aller en couple, avec madame, avec monsieur, avec avec même vos enfants, pourquoi pas s'ils ont l'âge pour. Et bien surtout, n'hésitez pas. Pour ça, pour remporter donc ces places, il suffit tout simplement de venir sur notre page Facebook, hein, émission 80 à l'heure, et vous donner donc la réponse de savoir dans quel endroit prestigieux de Moucron va se dérouler cette soirée. Oui, alors, si la personne qui vient de nous appeler par téléphone, on vous a pas coupé au nez, c'est que c'est impossible pendant l'émission, tout de suite sur la page Facebook et taper la réponse, parce que c'est certainement pour nous la donner. Ouais. Donc tapez-la en commentaire, de la question que je viens de poster. Voilà, c'est moi qui viens d'appeler, il va en avoir 30, et je m'appelle à l'informatique. Voilà. Alors, Alain nous a répondu avec alors, son prénom, pas encore, mais j'ai bien précisé qu'à l'informatique ne pouvait plus jouer pour gagner deux autres places. Vu qu'il a déjà gagné deux places, maintenant il doit laisser justement sa place. Alors, il y a peut-être un message là, non ? J'ai vu quelque chose de... C'est en train de s'écrire là. Ah voilà, c'est noté. Un ou une amie est en train d'écrire un commentaire, attention. C'est normal, qu'est-ce qu'on a répondu ? C'est normal, c'est compliqué puisqu'il a le téléphone de l'autre côté en se disant, mais puis taper avec des moufles, ça va, c'est pas pratique. Est-ce que je suis menumli ? Alors, profitons aussi de cette date, le 14 octobre, pour en parler. Alors, c'est important d'en parler, mais plus tant que ça, puisqu'en fait, effectivement, ça va être l'une des dernières représentations de la troupe Évasion, avec le spectacle So Magic, qui aura lieu donc au CSE donc, ce samedi et ce dimanche. Alors, samedi, c'est complet. Tu veux me faire pleurer, toi ? Ouais, c'est complet. Bah ouais, on va partager la scène une des dernières fois ensemble. Ouais. Voilà, donc... Ouais. Et j'en parle parce que justement, je vois une bouteille de Jack Daniel's qu'on va s'ouvrir dans le studio, qu'on va s'ouvrir avant que... Ouais, Jack Daniel's va s'ouvrir, voilà. Ouais, voilà. Donc Jack Daniel's qui est un des personnages du spectacle d'ailleurs, entre autres. Donc c'est un spectacle haut en couleur. Voilà. Donc haut en couleur, vous avez de la danse, de la comédie, du chant en direct, j'insiste. Du show lumineux, vous avez de tout. C'est vraiment une vraie soirée cabaret, soirée prestige avec repas à la clé. Samedi, c'est complet. Donc n'en parlons plus. Dimanche, il reste encore quelques places qui se libèrent parce qu'il y a des listes d'attente avec, il y a quelques personnes qui peut-être ne pourront pas venir, mais il n'en reste pas des masses, je crois qu'il reste peut-être une dizaine, c'est un grand maximum. Il reste 13 places. Donc voilà, on en parle quand même. Sachez que donc que le dimanche 15 octobre, donc à partir de 15h, il y aura donc l'une des dernières représentations publiques du dernier spectacle de la troupe Évasion qui s'intitule donc So Magic. Si vous avez envie de venir les voir, nous voir, puisqu'on y sera forcément, puisqu'on sera sur scène. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez directement sur la page officielle, donc la page Facebook Troupe Évasion Spectacle, où là, on vous donnera toutes les coordonnées pour pouvoir réserver. Mais faites très très vite. Je pense que là, on est vraiment sur la dernière ligne droite et il n'y a plus beaucoup de place. Un petit mot pour ceux qui nous entendent, allez voir sur ces 400 costumes, 32 comédiens, c'est plus de 2 heures de spectacle enchaîné. Et des gens de Paris sont venus, si tu te souviens, il y a 3 ans, nous voir pas du Lido, mais de très très prestigieux. Nous ont dit, c'est qualité cinématographique, c'est voilà. Donc il y a quand même 17 000 heures de répétition. C'est toi qui les as comptées parce que 17 000 heures, j'étais responsable à l'époque com, et il y a 17 000 heures de répétition sur l'ensemble des comédiens, danseurs et chanteurs. Voilà. Et moi, j'ai pleuré le dimanche parce que ça sera ma dernière avec la troupe que j'ai commencée en 1981. Alors, c'est pas tout à fait la dernière, puisqu'on aura l'occasion semaine d'après de se reproduire la dernière fois, pour la ville d'Allure. Voilà, la dernière So Magic intégrale avec les conditions de spectacle professionnel complet quoi. Toutes les bonnes choses ont une fin. Absolument. Donc moi, elle sera très bonne. Sauf le saucisson qui en a deux. C'est vrai. D'accord. Et la banane aussi, non ? Oui. Aussi, oui. Je connais d'autres choses aussi, mais je t'en parlerai en antenne. Eh bien, on va se faire une petite coupure musicale. Moi, ce que je propose, on va demander à Jean-Marie, qui est l'organisateur de la soirée donc de 80, 90 et plus, qui aura lieu donc à la Blomerie ce samedi-ci, donc à partir de 21h. Eh bien, on va demander à Jean-Marie de faire la roulette song. Kezako. Qu'est-ce que c'est que la roulette song ? Kezako. Ah ben, Sherlock. Oui, alors la roulette song, en fait, j'ai tous les titres qui sont devant moi, tous les titres que je possède, et je vais faire rouler les titres vers le bas. Tu me dis stop au moment où tu veux, et on tombe sur un titre. Alors ça peut être un titre excellent, comme une face C, voire même pire, des années 80. Une effacée complète. Allez, peut-être. Allez, donc je tourne, tu me dis stop dès que tu le veux. Alors stop. Pook Da Books avec Your Eyes. Oh, oui. Ah ouais. Your Eyes. Ah ouais. Chanson que beaucoup de gens ont cru que c'était de la boom, alors que ça n'est pas. Oui. Ouais. Alors, on fait la deuxième avec Jean-Marie. Ah bah bien sûr. Allez, je continue. Stop. Ah bah France Gall avec Babacar. Bon, super. On va recommencer. Et non pas Blablacar. Hein. Oui. Est-ce que justement il y a du francophone comme ça comme France Gall, Babacar, est-ce qu'on peut retrouver ce type de titres qui sont pas forcément dansants dans les soirées années 80 hein. On retrouve si ben, quand on a Ella par exemple avec France Gall, c'est très dansant, on a du Balavoine, on a du Michel Berger donc également on se fait un peu de Dalida, on se fait voilà, il y a Dassin au niveau français. Années 80, il y a du Dassin. Oui, on a encore du Dassin. Ouais, d'accord. Notamment en slow. Ah oui. Voilà. On ira. Ah d'accord. Où tu voudras. Le dernier slow, c'est pas années 80 ça? Le dernier slow de Joe Dassin. Et si tu n'existais pas. Et si ce soir on dansait voilà. le dernier slow. Comme quoi les slows sont indispensables dans des soirées comme celle-là. Et je tiens absolument à dire que nous avons au minimum 3 séries de slows par soirée. Ah. Donc c'est incontournable. Alors nous, on compte arriver justement en Canon et moi un peu tard, mais dans le tard, c'est à quelle heure les slows? Je vous garderai une série de slows après 2h du matin. Ah, c'est bien. Je vous rappelle que le slow, même rapide, est le plaisir vertical du désir horizontal. Absolument. Voilà, nous serons là. Absolument. Eh ben, allons-y avec Cook Da Books avec Your Eyes. Moi, je propose encore de faire gagner 2 places après, mais je vais faire une photo avec Jean-Marie, parce qu'après, je vais devoir m'absenter. Et le but, ça sera de découvrir la couleur de sa chemise. Pourquoi pas, tiens. Allez. Ça, voilà. Vous aurez 3 propositions. Allez, c'est parti. Pour les partager. Say, feeling lost in a crowded room. It's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside a suit on a flight, feeling alone with people around. True love is hard to summer skies caught my gaze as I looked across, feeling lost in a magic maze. It's too soon for a new wide as I looked your way. what they meant to say. Feeling lost in a crowded room, it's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside a soul torn apart, feeling alone with people around. True love is hard to find. Comme une étoile, en emportant ton espoir. je reviens dans ma tête. Babacar de France Gall, on l'avait jamais passé. C'est dommage. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, depuis que je suis dans l'émission, on ne l'a jamais passé. C'est vrai. Merci, c'est grâce à moi. Bah oui, merci ouais, Jean-Marie. C'est merci vrai à Jean-Marie. Qui a été, écrite par Berger, à mon avis. Absolument Berger, pas. Ah, d'accord. Par France Gall. D'accord. Babacar, c'est France Gall qui l'a écrite. Ok. Je ramène pas ma science, c'est la seule à savoir. C'est, d'accord, ok. Non, mais on te croit volontiers. C'est pour ça qu'elle aime. Ah, si. Elle s'est écrite. Ah, oui, elle s'est écrite. Ah, oui, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de sa comédie musicale, La Résiste, oui. Qui a quand même plutôt bien marché. C'est plutôt pas mal. Ce produit à la salle Ouattromé de Roubaix, là, bientôt. Ah, je vais aller voir. C'est vrai. Ouais. Avec les originaux. Ah ouais, il y aura Corentine qui sera là aussi. Corentine sera là aussi. Oui, Corentine sera là. Et donc, c'est dans quelques semaines à la salle Ouattremé. C'est un beau petit écran aussi. Bon, c'est pas une salle de concert, mais c'est un bel écran, la salle Ouattremé. Je sais pas si vous connaissez, mais Jean-Marie, je sais pas si tu connais la salle Ouattremé à Roubaix. Je connais Waterloo, mais je connais pas cette salle précisément. Non, ah, c'est une vieille salle des années 70 qui a été refaite, mais elle est magnifique. C'est une très belle salle de concert qui, à mon avis, pas suffisamment exploitée, mais qui est plutôt une belle salle. Et moi récemment j'ai rencontré une danseuse classique et j'ai réussi à aller dans une troupe en voyant comme ça. J'ai rencontré une personne qui s'appelle De Coster, on dira pas son prénom, mais qui est la fille de et qui danse. Ah, de Stéphane, bien sûr. On dira pas son prénom. Bien sûr. Non, mais Stéphane Axel. De Coster et c'est Axel. Voilà. C'est ça. Pourquoi on dira pas son prénom? Axel De Coster, on la connaît. Axel Bauer, ouais. Non, donc, c'est Axel De Coster, tu nous parles je de sais Axel pas, De Coster. Je sais pas, bah non, je sais pas, mais... Ah, tu diras pas son prénom parce que tu connais pas. Et donc, bah non, je la connais pas plus que ça. D'accord, bon, ok, bon, j'ai pas tout suivi, mais ok. Alors, on rappelle effectivement que donc, le 14 octobre, donc à la Blomerie, ça donne la réponse à la question qu'on avait posée précédemment, donc le 14 octobre à la Blomerie, il y aura la soirée donc 80... Et 90, j'allais dire 90s, mais non. 90s, 90. Et plus. Voilà, donc on a un gagnant pour les deux places que nous offre Jean-Marie. Oui, c'est une gagnante. Gagnante, voilà. Une gagnante, ouais. Donc c'est Isabelle Cartier-Pontueux. Oui. Qui gagne les deux prochaines places, enfin les deux places qu'on vient de mettre en jeu. Un gros bisou à Isabelle, qu'on connaît très très bien. Oui. Que Sherlock connaît un peu aussi. Oui, bah oui, forcément. Ouais. Ouais, moi aussi je connais très très bien, tu te souviens d'hier soir Isabelle. Elle a bienvenue chez nous. Non, qui est une fidèle de l'émission. Hein. Ouais, c'est ouais, vrai ouais, qu'elle assez régulièrement. Et m'a-t-on dit qu'elle était un peu fan de Sherlock quand même. C'est vrai. Ouais, ouais. Au moins une quand même. Elle aime sa voix. Bah oui, il en faut quand même un peu. Elle aime sa voix tant qu'il ne monte pas son physique. J'ai un physique de radio donc forcément. Ouais. Un peu comme Pierre Ménès, un peu comme... C'est ça. En parlant de physique, quelqu'un nous a quitté, c'est Jean Roquefort. Ouais, oui. Pourquoi, en parlant de physique, je vois pas l'accord. Parce qu'il avait un physique un peu particulier, il était atypique quand même comme personne. Il avait pas le. Il y a les portails qui sonnent partout ici. Ouais. Bah, on participe au jeu justement, donc c'est pour ça. Non, mais tu sais que toi, tu ne peux pas gagner. Non, mais c'est pas moi qui participe. Ah, d'accord. Vous l'aimiez comme personnalité? Oh, ouais, ça va, mais je l'ai trouvé. Enfin. Je vais dire un peu nonchalant, toujours. Ouais, un peu, Toujours, il prenait de la hauteur. C'est vrai, ouais, c'était le personnage un peu. Il prenait un peu de la hauteur. Sans rire, comme ça. En étant honnête, j'ai passé mon temps à le voir et j'aurais jamais pensé à lui. Et le jour où il décède, il y en a d'autres, voilà, il décède, mais voilà, c'est comme ça. Et ça m'a fait drôle, parce que c'est vrai que quelque part, quand ils reviennent sur ses films et qu'ils reviennent un peu sur les personnages qu'il a pu incarner, tu te dis quand même, c'était. Ceci dit, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle bande d'hypocrites. À la télévision. Oui, sur la façon dont il l'encense. Voilà, parce qu'il l'encense un max. Ça a toujours été un très très grand second rôle. On n'en a jamais vraiment fait hein, une star. Et tout d'un coup, maintenant qu'il s'en va, et paye son âme, parce qu'évidemment, moi aussi j'appréciais aussi Jean Rochefort, pas plus que ça, mais et tout d'un coup ça devient quasiment l'acteur du siècle. On le compare à Gabin, on le compare à. Mais je suis d'accord. On compare à Belmondo, on le compare à. Il y a des limites quand même. Je suis d'accord à 100%, mais je crois qu'il a quand même marqué. Ça fait partie. Il y a des noms. Bien sûr. Il y a certains disparus. Il y en a eu 3-4 qui ont disparu récemment. Il y a une femme aussi. J'ai plus les noms. Et ils étaient quand même moins connus. Et pourtant, c'était des figures parce que déjà, c'est des êtres humains qui sont disparus, qui ont eu le mérite d'avoir fait une carrière. Bien sûr. Mais c'est vrai que lui, quand on est revenu, on se dit c'est quand même un personnage que les Français aimaient. Je pensais ça. Je parlais de Johnny Hallyday. Je plaisante pas. J'ai jamais été le voir en concert. C'est pas un artiste que j'ai envie de voir en concert. Je n'imagine pas. Pour moi, c'est un phénomène. domaine, c'est un ovni, tenir comme il a fait, la voix qu'il a, ce qui tient, tout ça, il viendra à disparaître. J'ai jamais été, mais je me dirais, attends, ah oui, non, mais là, ça serait, ah oui, mais ne compare, je crois qu'en France, c'est Johnny Hallyday, de scène, je pense qu'il représente quand même un esprit fédérateur de se dire aujourd'hui, je dis n'importe quoi, il y aurait une guerre, n'importe quoi, il y a plein de trucs qui s'écroulent et tout. On a Johnny Hallyday, on a, tu vois, il y a quand même, c'est un symbole. C'est un symbole, et pourtant, c'est un rocker, c'est un, comment, Harley Davidson. Moi, je suis pas rocker, Harley Davidson. Flip Cat, qui est un fort rocker et pas formidablement inspiré par Johnny Hallyday. Pardon. Non, ça, il n'est pas. Mais, et pourtant, voilà. Et je pense que, voilà. Lui, oui, c'est vrai, il incarnait, on disait Herbert Léonard, qui se porte pas bien du tout. Ouais. Il se porte mieux, là. Oui, il va un peu mieux, mais il se porte pas bien quand même. Oui. Je veux dire, bon, quelque part on espère, mais c'est Herbert Léonard. Et très pourtant, gentil, regarde. Très gentil en spectacle, j'ai eu le plaisir de le produire une fois. Ah super. Un monsieur très charmant. Parce que dans les vedettes, j'en ai produit quelques-unes, il y en a beaucoup qui ne sont pas très charmants, ni charmantes du tout, mais lui fait partie des bons. Non. Le meilleur pour moi, c'est Dave. D'accord. Le plus sympa, c'est Dave. Vraiment ? J'en doute pas. C'est un mec extraordinaire. Ah ouais, ça ne me donne pas l'impression, moi. Mais... Ah, Dave, extraordinaire. J'en doute pas. Ah ouais ? Barzotti en Belgique est un mec extraordinaire. Oui, ça je peux le comprendre. Lui peut te le dire. Mais moi je veux des noms de gens qui sont pas sympas quoi. Ouais, voilà, ils sont moins cool. Un scoop quand même. Alors j'en ai un qui est décédé. Ouais. Tu peux. Donc je peux le dire, c'était Richard Anthony qui est invivable. Ah ouais, pas étonné. Alcoolique. Oui. Voilà, c'est fait, c'est dit. Et j'ai un groupe une fois que j'ai dû produire qui s'est pris un peu trop au sérieux, c'était les Gypsum Brothers. Voilà, ils arrivaient avec 2 heures de retard, c'était normal. Pourtant, il n'y avait pas de moteur pour leur indiquer la route. Ah oui. Voilà. Donc, on ne connaît pas plus que ça. Ah, quand même. Surtout qu'il passait. C'est pas Jean Rochefort. Il passait en Belgique et il venait d'Amiens, donc c'était pas le bout du monde. Hein. Ouais. Je peux en citer encore d'autres, mais je vais m'arrêter là. Bah, nous, bizarrement, tu vois, on a reçu sans arrêt des artistes ici. Ça s'est super bien passé, sauf un qui était un connard, je dirais pas qui. Là, par contre, je le dirais pas. Canon. Il faut dire le nom. Non, je peux pas. Non, j'ai de respect pour tout ça, mais qui. Non, mais après, c'est subjectif. Non, c'est de l'esprit de toute l'équipe et de tout ce qui était derrière, etc., qui s'est ramené avec un... et qui n'avait pas du tout le nom, même Richard Anthony, c'est Richard Anthony, tu vois, quelque part. Là, je te parle de quelqu'un qui n'est pas Richard Anthony, quoi. Ouais. Et c'est pas de moi parce que je l'avais pas aimé, mais c'est parce que j'en ai pas. Mais après, moi, je l'aime bien, mon petit Richard Quentin. Richard Anthony, il a eu ses hauts et ses bas. Je l'aime bien, mon petit Quentin. Moi, je l'ai eu dans ses bas, Richard Anthony. Après, bon, ça s'est amélioré, s'est remis un peu plus au sérieux. Mais la mauvaise période qu'il a vécue, c'est le moment où on l'a eu chez nous. D'accord. Moi, j'ai balancé en 1984, je pense. J'étais au Colisée de Roubaix. J'étais dans une troupe qui s'appelait Évasion. Et à l'époque, on faisait Fugue, qui était une comédie musicale sur Michel Fugain. Et Big Bazar. Il y a eu deux choses qui se sont passées. On a rencontré Michel Fugain en vrai. C'est un mec adorable qui est exactement toujours comme il est. On s'est retrouvé avec une frite à bouffer à la sortie du Colisée avec Claude Bouquillon, que tu connais, et tout ça, et toute la troupe. Et on était en avant-première de Jean Lefebvre. Ah qui bon est exécrable. Ah, c'est possible. Qui était avec sa maquilleuse insultant et tout ça, j'étais à vomir. Parce que moi, j'étais quand même, j'avais 18 ans et je sortais, mais j'étais un gamin qui avait été bercé par Jean Lefebvre. À 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu voyais Jean Lefebvre comme. Il nage bien, chef. Ouais, mais exactement. Et franchement, insultant. Il est un peu spécial. Il est un peu insultant. Spécial. Il était peut-être pas dans un bon jour, mais pendant deux jours, c'était sa maquille. Oui, alors après, façon dont il parlait. Après, ça dépend de la manière dont on fait les choses, parce que je reviens sur une anecdote qui paraît pas forcément intéressante, mais on a eu l'occasion d'interviewer Sloan, d'accord ? Oui. Et j'avais raconté l'anecdote il y a quelques temps, et on a interviewé Sloan, donc le 14 juillet. C'est ça, Waterloo. Le 14 juillet à Waterloo. 2017. Et il s'avère qu'à un moment, donc on était avec elle, et ça s'est très très bien passé. Canon était là d'ailleurs, évidemment. Ça s'est très très bien passé, très sympa, très avenant, très ouverte. Et puis, on faisait des passe-passe entre, on va dire, la barrière où il y avait le public, et puis sa loge, en gros, oui, hein, c'était ça. Ouais. Et puis, arrive un moment où une fille que je connaissais très très bien, me disait, ah, oh, tu peux pas me rendre un service, est-ce que tu pourrais demander à Sloane de venir vers moi pour que je puisse faire une photo avec elle? Oh, bah, je dis, je vais quand même demander, donc je vais voir Sloane, alias Chantal. Je dis, bah, Chantal, je peux te demander un petit service, j'ai une amie, elle aimerait faire une photo avec toi. Elle dit, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis, elle arrive, elle fait la photo avec cette fille en question, et donc ça se passe bien. Et puis, tout d'un coup, il y a toute une nuée de gens qui viennent vers elle pour avoir aussi leur photo, c'est évident. Donc, en criant, c'est ah, une Sloane, hein. Voilà, hein. Sloane, ouais. Une photo, machin. Et là, elle envoie bouler, carrément, donc les gens, elle les envoie bouler. Et c'est là qu'effectivement, on se dit, mais il y a un problème, on comprenait pas trop. Elle est devenue froide d'un coup et elle est partie en éconduisant donc les gens, en disant non, pas maintenant, je fais pas de photos, et elle s'en va. Et c'est vrai que sur le coup, vu de l'extérieur, on pouvait se dire, mais elle est un peu peau de vache, quoi. Et puis concrètement, moi je discute avec elle et elle me dit, mais non. Elle a dit, c'est pas que je veux pas faire de photos. C'est que pendant ce temps-là, moi, j'ai mon ami Pat Otawan qui est en train de se produire sur scène. C'est vrai. Et que moi, je veux pas parasiter. Je veux pas aller de mon côté, sur le côté de la scène, pendant que lui se produit, à faire des photos, que tout le monde vienne vers moi et que, du coup, toute l'attention est attirée sur elle et pas sur le spectacle. Et je dis, ah ouais, c'est pas con. Oui, mais elle était très bien. À première vue, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est assez froid. Et non, c'est pas ça du tout. C'est qu'elle protégeait les intérêts de l'autre, ouais, qui se produisait sur scène. D'ailleurs, Pat Otawan et Thierry Pastor, qu'on a rencontrés ce jour-là, les interviews qui auraient pu durer 5 minutes de manière un peu formelle, ça, c'est, on a vraiment passé des moments avec des gens tout à fait. Merci. Par politesse, j'allais pas trop prendre. D'ailleurs, Pat Otawan avait vraiment aimé ta chemise. Hein. Ouais. Vrai, je t'emmerde. Par contre, j'ai la vidéo bêtisier avec sa chemise. Après, tu nous le montres. C'est un grand moment. Bon, alors, on rappelle que c'est qu'on est avec Jean-Marie, parce qu'il faut le rappeler quand même, l'événement, oui. C'est un événement. Il y a la soirée, donc, 1980-90++. Donc, c'est le samedi 14 octobre, donc, au domaine de la Blomerie. Depuis tout à l'heure, on a rendu des gens heureux, qui sont chez eux, qui font youhou, ce soir, on va faire la fête le 14 octobre à la Blomerie, gratuitement. Puisque Jean-Marie donc nous offre des places, vous offre à vous, chers auditeurs, des places. Donc on fait des petits jeux assez sympas. Alors il y a par exemple Virginie qui nous a envoyé un petit message pour nous répondre. Elle nous a répondu un peu tard, donc désolé. Ah. La réponse était la Blomerie, mais bon, c'est tout. Là on va relancer un. Qu'elle se prépare, qu'elle soit dans les starting blocks devant son clavier, parce qu'il y a une nouvelle question qui arrive. Voilà, j'en profite aussi également pour faire un petit coucou à Nathalie qui nous écoute. Alors toute nouvelle auditrice qui nous écoute, qui peut aussi, si elle le souhaite, donc participer au jeu pour pouvoir gagner donc deux places pour la soirée donc 80-90. Plus, c'est-à-dire oui. Qu'on couvre toute la musique des années 80 jusque 2000. C'est à la Blomerie. Donc Nathalie, plus. Nathalie, si tu veux participer, c'est très simple, il faut aller sur la page officielle de l'émission 80 à l'heure, tout comme tous les autres auditeurs, et répondre à la question que Jean-Marie va vous poser présentement. Je ne vais pas poser la question, c'est notre animateur principal qui va se faire un plaisir. J'ai pris du galon maintenant, attention. Okay. Voilà. Donc, troisième question de cette soirée. Pour gagner donc deux places pour samedi soir, qui chantait la chanson Sunday, Bloody Sunday dans les années 80? C'est simple, c'était... Voilà, le premier ou la première à répondre gagne deux places pour le domaine de la Blomerie samedi soir. C'est un groupe. Je vous aide un petit peu, c'est pas Jean-Jacques Goldman. Vas-y, tu peux le dire. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On embraye sur la chronique rétro ciné 80. Oui, ça marche. Allez, à toi de jouer. Allez, c'est parti. Non, les amis. Montons vite dans la DeLorean et partons vers l'année 1988. Alors, donc je vais rappeler quand même le principe du ciné rétro 80. Donc la chronique ciné rétro 80, en fait j'ai regardé un film cette semaine, un film des années 80. Et donc forcément cette semaine c'est l'année 1988 et je vais essayer de vous le faire deviner autour de la table en vous donnant des petits indices, des noms d'acteurs, le nom de celui ou celle qui a fait la musique, le réalisateur, les choses comme ça, le nombre d'entrées si ça peut vous aider aussi et à vous de trouver. Alors si vous avez trouvé, n'hésitez pas à donner des petits indices à aux amis autour de la table. Et puis, voilà, on démarre. Donc, je vous ai dit donc que c'était un film de 1988 et c'est un film qui est sorti le 24 août 1988. Et là, si Onissa était là, elle me dirait... C'est un mercredi ! Ouais, bah oui. Bah ouais, forcément, un mercredi. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Le film a fait 1 923 300 entrées au box-office français. Ouais. Donc c'est beaucoup. C'est quand même... C'est pas mal. C'est quand même une bonne sortie. Il a eu un prix pour la meilleure musique aux BMI Films et TV Awards, et deux nominations aux Oscars, notamment pour les costumes et les maquillages. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pour l'instant... Oui. Oh, d'accord. Non, ça me dit rien du tout. Mais j'entends des voix, là. J'entends des voix en même temps, c'est pour ça. Donc, oui. Mais non, ça me dit rien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui. Alors là, ça va peut-être vous étonner. C'est que le film, la musique du film, ouais, est de Nile Rodgers et Dr. Dre. Nile Rodgers, c'est pas un mec country, ça ? Non, ou... alors Nile Rodgers, c'est celui qui était dans Le Freak. Ah, oui, d'accord. C'est chic. Ouais, bah, d'ailleurs, ouais, qui est avec Daft Punk, hein, le guitariste. C'est ça, ouais. D'accord. C'est ça. Mm-hmm. Et Dr. Dre, donc, qui est un rappeur... Et c'est dans les années 80. Et c'est dans les années 80, ouais, effectivement. Ah ouais, tiens, dis donc. Bon, il était beaucoup moins connu, forcément, à cette époque-là, mais il commençait à avoir une petite réputation. D'accord. Alors, je vais peut-être vous passer le premier extrait. C'est un extrait sonore, c'est une musique, en fait, qu'on entend tout au début du film. Écoutez. Ça ressemble un peu au Lion est mort ce soir. Oui, bah c'est ça en fait. Hein. C'est, alors ça s'appelle Mboube Wimboe. Wimboe. Ouais. Et c'est le groupe Ladysmith Black Mambazo qui chante. D'accord. Alors moi j'ai demandé à Arnaud de venir nous rejoindre pour nous aider sur le coup, puisqu'en fait Canon et Jean-Marie nous ont lâchés. Voilà, c'est ça. Clairement, voilà. Ouais. J'allais dire gentiment, ils ont dû nous quitter. Non, ils nous ont lâchés, bande de lâches. Alors, donc, là, c'est Ladysmith Black Mambazo, et c'est le titre Mboube Wimoe, ouais, qui est inspiré par la suite Le Lion est mort ce soir. Ah, c'est l'inverse, ouais, c'est d'accord, ça. Ok. Ça a inspiré... Alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme petit indice ? Je vais vous donner quelques noms d'acteurs, notamment Ralph Bellamy, Don Ameche, dont j'avais parlé déjà il y a une ou deux semaines. Donc, ouais, si vous vous souvenez un petit peu de qui est Don Ameche, ça peut vous donner un excellent, il a joué dans un Big excellent Foot. Indice. Oui, exact. Ouais, il a ça. Joué dans Bigfoot, mais ouais, j'avais dit qu'il avait joué dans un autre film. Ah oui, d'accord. Ouais. Et cet autre film a rapport avec celui-ci. D'accord. Alors, il y a également Cuba Gooding Jr., Samuel, ouais, L. Jackson, ah ouais, Eric LaSalle, qui jouait un des médecins dans Urgence, c'était le Black. Ouais. Si vous vous souvenez un petit peu. Et on est toujours en 1988 là. Ouais. Bah ouais. Il y a Sherry Headley, Madge Sinclair, John Hamos, James Earl Jones. Ah oui, qui a joué dans Conan. Oui, c'est ouais, ça. Qui jouait alors Conan le Barbare. Ouais, je sais plus le nom. C'est le Black, hein. C'est ça, ouais, celui Tulsa qui Doom. Tête de Tulsa Doom. Voilà. Ouais, il suffit de me le demander. C'est hein, vrai, c'est vrai. Et ouais. Champion. Effectivement. Non, mais ça, et qui a fait la voix la voix anglaise de Dark Vador. Ah ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et oui, parce qu'il y avait un acteur. On l'avait appris. Ouais, ouais, c'est un acteur qui a fait Dark Vador, mais on n'a pas gardé sa voix, on l'a chanté, on a mis celle de James Earl Jones qui est beaucoup plus profonde en fait comme ouais, voix. Plus caverneuse. C'est ça. Alors, je vais vous donner donc j'ai laissé les deux acteurs principaux du film pour après, ouais, je vais vous donner peut-être un autre extrait. Écoutez, c'est un extrait du film. Hé hey, qu'est-ce que tu fous, toi ? Taille-toi de là si tu veux pas que je te pète ton appareil ! Vous voyez, moi et McDonald's, ben voilà, on a juste un malentendu de rien. Oui, eux, c'est McDonald's. Et moi, McDowell. Vous suivez ? Leur enseigne, c'est une arche en or. Et moi, c'est des arcs dorés. Et puis eux, ils ont le Big Mac. Moi, c'est le Big Mick. Comme moi, ils font aussi la petite brochette de bœuf au soja avec feuilles de laitue, oignons et cornichons. Mais sur leur petit pain, ils mettent des graines de sésame. Pas moi, je les fais nature. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah, il y avait une musique. Est-ce que c'est un rapport avec un fast-food ? Oui, effectivement, c'est un rapport avec un fast-food. D'accord. Est-ce qu'il y a dans le titre une nationalité ? Non. D'accord. Il n'y a pas de nationalité, mais il y a le nom d'une ville, pour vous aider un petit peu. Ouais, ouais. Arnaud. Oh, aucune idée. Il y a le nom d'une ville. Oui, il y a le nom d'une ville. Il a vraiment été connu, ce film. Ah oui, il est connu, ouais. D'accord. Il a été, donc il a fait 1 900 000 entrées au cinéma. Oui. Et il a très bien fonctionné également par la suite en VHS. D'accord. Et également, je pense, à la télé quand il est ressorti. Ok. Alors, je vais vous passer un autre extrait tout de suite. C'est un extrait, c'est une musique qu'on entend dans le film. Écoutez bien. Alors, donc ça c'est Marvin Gaye qui chante Pride and Joy. Mais est-ce que c'est un film dans cette période-là, c'est-à-dire dans les années 60, parce que la musique date des années 70, quoi. Enfin, ouais, non, mais là, ça se passe dans les années 80. C'est contemporain à l'époque. Ouais. À l'époque dans laquelle se situe le film. Alors, toujours pas. Bon, je vais vous donner le nom du réalisateur, peut-être. C'est John Landis. John Landis qui a notamment fait le clip de Thriller. Ouais, d'accord. Donc c'est un film d'horreur, alors. Pas du tout. Bon, d'accord. J'aime bien. Mais c'est bien, parce que je m'amuse, là. Une fois que tu trouves pas au bout de 20 secondes, là, je suis content. Ah ouais, non, mais là, honnêtement, ça me parle pas du tout. Et je me doute pourquoi ça ne te parle pas. Moi, j'étais dans la guerre. Ah, t'étais dans la guerre. Non, pas du tout. Alors, bon, il y a un passage avec une arme à feu. Écoutez bien, c'est celui-ci. Il n'y aura pas de bobo. Allez, donne-moi la caisse. Grouille-toi. Allez, mène-toi un peu, Rotagresse. Dépêche. On va pas y passer la journée. Allez, mine. Le mec qui bouge, il explose la cafetière. Alors gaffe. Il serait plus sage de reposer cette arme. Ça va pas la tête, sale con. Veuillez également vous abstenir de dire des obscénités en présence des dames. Quoi? Obéissez, sinon je vais vous frotter les oreilles. Fais chier. Un geste sinistre flaque d'urine de ma Alors moi, j'ai une proposition de Nathalie, qui nous écoute. Je me demande si elle a pas raison, d'ailleurs. Qui a triché sur Internet ou pas? C'est peut-être possible. C'est plus facile quand on est derrière son PC. C'est peut-être possible. Alors, est-ce que, pour vous mettre sur la voie, est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec un... Allez, donc une ville, on est bien d'accord. Donc une ville, on va parler de Big Apple. Oui. Voilà, et qu'avec une certaine lignée, enfin je veux dire un titre de noblesse et une ville. Effectivement, il y a l'informatique aussi qui m'a donné la bonne réponse là. Ah ouais. Moi j'ai pas reconnu sa voix, l'acteur principal, parce que c'est vrai que c'est pas la même. Eh ben écoute, je vais te passer l'extrait suivant. Écoute bien, tu reconnaîtras sûrement plus avec cet extrait-ci. Admire ces mythes. La vie, oui, la vraie vie, ce dont nous avons été dépossédés depuis bien trop longtemps. Bonjour, mes voisins. Eh oh, va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Aussi. Ah, donc il y a l'âne de Shrek qui joue dedans. Non, mais effectivement, il y a l'acteur qui... Nathalie a trouvé la réponse. Alors, les deux réponses, c'est-à-dire qu'elle a trouvé la réponse de Rétro Ciné 80 et la réponse pour gagner les deux places. Est-ce que tu avais eu des réponses, toi? Oui, j'ai eu une réponse, enfin j'ai eu deux réponses même. Ah ouais, pour à quel moment? Alors, donc c'était il y a 7 minutes. Alors moi, verdict, je l'ai eu... Je vais vérifier. Ah, vérifie bien, parce que là... Ah non, c'est à l'instant. Si on fait une boulette... Non, c'est à l'instant. Ah bon. Ouais. Voilà, donc c'est donc Martine Paoli qui gagne donc les deux places pour la Blommerie. Ouais. Et donc, allez, je vais vous redonner encore Allez, deux petits extraits. Là, c'est une chanson qu'on entend également dans le film. Et ensuite, ce sera un extrait sonore du film. Écoutez. Ça, c'est Mel and Kim. Ah oui, d'accord. Ça, c'est Mel and Kim avec le titre That's the way it is. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Enfin, c'était plus mais déjà plus électro, le, hein, quand le même. Côté ouais, dance ouais. Electro déjà de l'époque. Ouais. Bon, il faut savoir qu'il y en a une des deux qui est décédée quelques années plus tard. Ah. J'ai lu ça la semaine dernière, en fait. Ah d'accord. Elle n'était pas bien vieille, en plus. Hein. Non, du tout. Elle est décédée d'un cancer, il me semble. Oups, c'est pas cool. Oui. Alors, je vais donc vous passer donc le dernier extrait qui va vous donner beaucoup sur le titre de noblesse dont on parle. Écoutez, c'est celui-ci. Lisa, laissez-moi tranquille. Écoutez-moi, Lisa, je vous aime. Oui, et qu'est-ce que vous faites de la femme que vous devez épouser ? Oh, mais je ne l'aime pas. Pourquoi aurais-je fait ce voyage en Amérique ? Oh, mais votre père l'a dit, c'est pour jeter votre gourme. Oh non, c'était seulement pour y trouver la femme idéale. Et c'est pour ça que je suis venu à Queens. Alors, fallait arrêter de mentir, fallait lui dire que vous étiez un prince. J'avais peur que vous n'aimiez le prince plutôt que l'homme. Oui, l'homme, et qui est-ce ? Celui-là même dont vous étiez amoureuse. Est-ce si important que je sois prince ? Bien sûr que non, mais... Si vous me dites que vous n'aimiez pas le gardien de chèvre que j'étais, alors je disparais de votre vie. Et ça casserait vite à qui m'en est trop différent. Votre royauté s'affiche tout en l'air. Vous souhaitez que je renonce à mon trône ? Sur le champ. De mon propre gré, je renonce à mon trône. J'abandonne mon titre de prince de Zamunda. Je renonce à mon trône. Alors, donc effectivement, c'est donc un prince comme on l'a entendu. Bah oui. Bah et oui. Donc il est dans le Queens qui se trouve dans la ville de... Ah c'est le quartier Queens ? Oui, le quartier c'est le Queens. Je le sais, on est dans forcément. New York. C'est ça, effectivement. Bah oui, mais là, enfin, bon, ouais, c'est parce qu'on me l'a dit, on me l'a soufflé. Mais là, de toute façon, j'ai plus d'indice sonore, donc on d'accord, peut okay, le dire. Okay, ça marche. Donc du coup, Arnaud ? Ouais. Ah, j'écoutais pas. Alors peut-être que Arnaud pourrait nous donner le nom de l'acteur qu'on a entendu. Oh, j'ai quand même, si on reconnaît la voix tout de même. Il a joué dans Le Flic de Beverly Hills, par exemple. Ah, oui. Oh, alors là. Ouais. Et ça finit par un Y. Eddie Murphy. Oui, bravo, effectivement. Avec sa petite voix fluette. C'est ça, oui. Eddie Murphy, donc. Et donc, l'autre acteur principal du film était Arsenio Hall. Oh, alors là, par contre, ouais. Ouais. Alors, en fait, à l'époque, c'était. Eddie Murphy faisait du stand-up à ses débuts. Et il a été connu par rapport au film. Alors, je ne sais plus lequel, mais Arsenio Hall, pareil, faisait également du stand-up. D'accord. C'était deux comédiens de stand-up qui se sont retrouvés au cinéma. Alors, donc, je vais vous donner un petit peu le pitch du film. Donc, ça se passe dans le royaume africain du Zamunda. Le prince Hakim fête son 21e anniversaire. Selon la tradition de la maison royale, ses parents lui ont choisi une épouse qu'il n'a jamais vue auparavant. Mais Hakim souhaite trouver lui-même la femme idéale. Il décide donc de rompre avec la tradition et va chercher l'amour de sa vie aux États-Unis en compagnie de son ami Semi. Il se rend donc à New York où il fait croire qu'il est un homme pauvre afin de trouver une femme qui l'aimera pour lui et non pour son titre de prince et son argent. Voilà, donc voilà un petit peu le pitch du film. Ouais, effectivement. Je vais vous donner quelques petites anecdotes donc sur le film. Tout à l'heure, on a entendu donc McDowell, ouais. C'est John Amos qui joue le rôle du patron du McDowell. Et donc le restaurant McDowell était en fait un Wendy's sur Queens Boulevard qui devait être fermé pour une rénovation complète. Donc l'équipe de tournage en a profité pour investir les lieux. Et donc, bien que la production ait été approuvée par le siège social de McDonald's, parce qu'il reprenait en gros quasiment le nom et même la forme du fameux M, ils n'ont apparemment pas transmis le mot à leurs points de vente locaux. Le jour où le panneau McDowell a été érigé, le gestionnaire du McDonald's situé 1 km plus loin arriva avec son avocat, prit des photos en disant à l'équipe de tournage qu'ils allaient être poursuivis pour ce qu'ils faisaient. John Landis y fait même allusion dans le film. Ah, c'est énorme. Et ouais, parce qu'on voit justement donc cet extrait-là, on voit un gars qui est en train de prendre des photos, et donc il y fait un petit peu allusion par rapport à ça. Ensuite, donc les sans-abri donc qui reçoivent l'argent du prince Hakim sont les frères Duke, Ralph Bellamy et Don Amesh, qu'on avait connu dans Un fauteuil pour deux, qui était sorti en 83. Donc il est également dirigé par John Landis. Et donc dans ce film, Billy Ray Valentine, qui était joué par Eddie Murphy, ouais. était était donc responsable de la faillite des Dukes. Pour un petit peu le pitch du film, c'était les Dukes, donc, qui étaient deux riches milliardaires, qui avaient décidé de mettre sur la paille Dan Aykroyd pour donner sa chance à un gars qui était SDF, oui, bah pour voilà. voir s'il allait ouais. réussir. Mais tu en avais parlé d'ailleurs. Hein, c'est ça, oui, j'en avais déjà parlé, ouais. et donc je me suis dit, tiens, c'est vraiment enfin les mêmes personnages en fait, parce qu'il leur donne l'argent, et à un moment, donc, il y en a un qui dit ouais, bah Ralph, c'est Mortimer, on est reparti. Donc pour dire vraiment, avec les sous qu'on a trouvés, on peut repartir et se remettre sur les rails. Alors donc, la plupart de la danse interprétée par les danseurs royaux, donc avant de présenter la prétendante du prince Hakim, est une interprétation avec un tempo accéléré de Thriller de Michael Jackson, également dirigé par John Landis. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, John Landis a fait le clip de Thriller, et donc le titre qu'on entend au début, enfin la chanson qu'on entend de style africain, en fait c'est le tempo de Thriller qui a été accéléré, un peu modifié. Donc la chorégraphie notamment, enfin la chorégraphe qui a officié dans ce film n'est autre que Paula Abdul. Ah d'accord. Paula Abdul, okay. qui est maintenant chorégraphe pour Janet Jackson. Bah, tu m'étonnes, Hakim, Abdul. et il y avait Abdul, Hakim et Fly. oui, il y avait Yves également. Il y avait Yves, Abdul, Yves, Hakim, Fly. Voilà. Avec toute l'expression, souvent on dit t'as le bonjour d'Abdul. Et pourquoi ? T'as jamais entendu ça ? Non. Exact. C'est vieux aussi, hein, mais. C'est vrai. Ça date des années 80, ça ? Pourquoi t'as le bonjour d'Abdul ? Bah, c'est non, quoi ? Il y a un jeu de mots derrière tout ça ? Non, il y a Aboul Abdul aussi. Il y a quoi ? Pas de tes boules. bon. Bah écoute, moi je connaissais ouais. Aboul Abdul. Mais bon. Ah bon ouais, ouais, ok, ouais. bah non, écoute. Alors. Première Aboul Lopez. Ouais, d'accord, ouais. Bah, Abdul. ok. Donc tous les personnages, à un moment on voit Eddie Murphy qui rentre dans un salon de coiffure, typiquement du Queens. Oui. Tous les personnages du salon de coiffure, y compris l'homme juif. Alors là, je vous conseille de regarder ce film parce que ils ont tous été joués par Eddie Murphy, Arsenio Hall, Clint Smith et Cuba Gooding Jr. Et alors le juif, c'est Eddie Murphy qui le joue. Et donc après avoir été maquillé pour le personnage de Saul, donc le juif, Eddie Murphy voulut tester le maquillage. Il prit une voiturette de golf et roula d'un studio à l'autre dans Paramount Studio. Il sortait régulièrement du chariot et disait de sa voix régulière « Salut, je suis Eddie Murphy !» Et personne ne l'a cru. Tellement il est bien maquillé. Et franchement, c'est vrai que j'ai regardé, on voit rien du tout. Ouais, c'est on ne reconnaît pas du tout Eddie Murphy, quoi. C'est dingue. Alors qu'il a quand même des traits assez reconnaissables, on ne le reconnaît pas du tout. Alors si derrière tu as un John Landis qui a réalisé le clip Thriller, ouais. j'imagine qu'il doit avoir toute une équipe de maquilleurs ouais, derrière. Oui, bah forcément. bah oui. Eh oui. Alors, il faut savoir également que Sidney Poitier était à l'origine pressenti pour le rôle du roi Japhet Joffer, oui. donc, qui est joué donc, par James Earl Jones. Et Vanessa Williams, donc qui joue notamment, qui a joué notamment Renée Perry dans Desperate Housewives, avait été approchée elle pour le rôle de Lisa McDowell, donc la fille pour laquelle Eddie Murphy est amoureux. James Earl Jones et Madge Sinclair reprendront le rôle d'un roi et d'une reine quelques années après le film. En effet, en 1994, ils feront les voix de Mufasa et de sa femme Sarabi dans le film de Disney Le Roi Lion. Ouais, en version américaine. Nous, on a oui, pas bah été touché, ouais, forcément, ouais. C'est vrai qui que... a été en version française par Jean Reno. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Non, c'est certain, c'est Jean Reno. Je l'ai vu qu'une fois, Le Roi Lion. Hein. Tout le monde adore ce film. Enfin, ça, c'était Jean Reno. C'est pas mon film préféré. Et je me demande même si la voix de Simba, c'est pas la voix la même voix que Ricky Schroeder. Toujours la même femme qui fait les voix d'enfants. Ah peut-être. Si, je pense à vérifier, mais. Peut-être, ouais. Et donc, pour terminer, la station de métro dans laquelle Hakim suit Lisa vers la fin du film est la même station de métro que celle utilisée dans le clip Bad de Michael Jackson. Ouais, enfin bon, elles se ressemblent toutes, les Ah non, elles ont tout un univers... à New York, elles ont tout un peu un univers différent. Et là, celle-là, c'est celle qui a été utilisée pour le clip de Michael Jackson. D'accord. Le clip de Bad. Voilà, voilà. Alors Jean-Marie, tu savais tout ça ? Non, mais j'apprends beaucoup de choses ce soir. Dit-il en arrivant. Alors justement, là on parlait donc du film donc Un prince à New York, est-ce que ça te parle ? Pas du tout, non, j'ai pas vu du tout et ça mérite d'être visionné. Ah oui, oui, c'est un film. C'est un film, c'est vrai, qui a marqué les années 80. Culte. Tu l'as vu, toi, Arnaud. Ouais, ouais. Alors, culte, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas fan d'Eddie Murphy, mais, c'est un film, oui, évidemment, que tout le monde connaissait. C'était au moment de la gloire d'Eddie Murphy, il faut être honnête, qu'aujourd'hui, on entend vraiment beaucoup moins parler. En tout cas, merci, Sherlock. Mais je vous en prie. Pour cette rétrospective, donc, de 1988, avec le prince de New York. Dans les années, hein. Un prince à New York, ça marche. Ce qu'on va se faire, on va se faire une roulette song. Oui, bien sûr. On va demander à Arnaud, tiens. Arnaud, tu vas nous faire une petite roulette song. Allez, c'est parti, je fais tourner les titres. Alors, Trianne, stop. Avec... Ah non, mais dis-moi stop. Stop. Simply Red avec I'll Keep Holding On. Oh là, c'est moins connu, hein. Ouais, elle est quand même assez connue, celle-là. Ouais, mais c'est pas la plus... C'est vrai. Simply quoi ? Simply Red. Ah, pardon, je pense à Simple Mind, mais oui, Simply Red, d'accord. Oui, évidemment, bien sûr. Allez, on continue. Vas-y, je t'écoute. Stop. Typo avec China in Your Hand. Ah, c'est beau, ça. Eh ben, allez, c'est parti. Alors Jean-Marie, est-ce qu'on refait un petit jeu concours ou pas pour faire gagner des places ? Allez, on refait un petit jeu concours, le dernier. C'est toi qui vois, hein, le dernier. J'ai une idée, je vais vous poser une question très simple. Oui. Enfin, très simple, oui, je pense. Nous allons passer donc dans notre soirée, comme à chaque fois, quelques séries de slow. Oui. Hein, je tiens à le préciser parce que plus ça, personne n'en passe. Ça. Américain là, alors on va passer, on passe du français, on passe de l'américain. Je vous expliquerai après pourquoi on passe du français. Parce que lorsque vous passez du français, lorsqu'il y a le refrain, les gens chantent. Tout le monde chante le refrain et ça permet de couper la sono alors qu'en en anglais, tout le monde ne parle pas l'anglais, il ne connaît pas les refrains. C'est plus du yaourt. Et compagnie. Mais je vais vous poser une autre question donc. Nous allons sûrement passer dans la soirée comme slow l'indicatif du film de Top Gun. Ah oui. Ah oui. Alors qui chante ? Ah oui. Ah ouais. Qui chante la BO fameux de Top slow, Gun. La BO de Top Gun. Ouais. D'accord. Alors, okay. On peut donner le titre ou pas ? Vous pouvez donner le titre. Alors, le titre, c'est Take My Breath Away, évidemment. Alors, voilà. Le nom du groupe. Le nom du groupe qui joue ça. Ça, c'est un peu moins évident, mais quoique... Je vais vous donner une indication, ça ressemble... Qui n'est pas de la nationalité allemande. Dont on pourrait penser. On pourrait penser que c'est une ça nationalité allemande. Voilà, ça ressemble ça peut-être pas. À une capitale européenne. Voilà, mais alors il faut arrêter parce qu'on en donne trop. On en donne trop. Mais voilà. En tout cas, le titre, c'est Take My Breath Away. Alors, si vous voulez remporter donc deux places pour aller donc à la soirée donc 80, 90 et plus. Donc, je vous rappelle quand même que ça a lieu à la Blomerie. C'est ce samedi-ci, donc à partir de 21h. Bah, il suffit tout simplement de nous envoyer la réponse sur notre page officielle de l'émission 80 à l'heure. Un titre emblématique, un slow emblématique, qui est ni plus ni moins que la BO donc de Top Gun. Le titre, c'est Take My Breath Away. Mais la question est la suivante. Quel est donc le nom du groupe ? Et avec l'accent, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est un petit message que je vais vous faire. Je vous remercie de votre accueil. Eh bien, écoute, c'était un vrai plaisir, Jean-Marie. Je reviendrai facilement pour la prochaine soirée vous dire bonjour. Et soyez persuadés que vos auditeurs seront les bienvenus à notre soirée. Ah bah de toute façon, nous on y sera aussi sur un tard, mais on ira bien évidemment accompagné. Je l'espère, hein. D'ici là, on a encore trois jours. Bien accompagné. Et puis en tout cas, merci à toi Jean-Marie. Encore merci de votre accueil. Ouais, merci. Et bon retour. Merci Jean-Marie. Et bonne soirée. Et puis à samedi, bien évidemment. Donc à samedi, samedi à la Blomerie. Oh là, je pense que ça a été très très vite. Ah non, là c'était pour la question d'avant, donc je répète, donc c'est Martine Paoli qui a gagné donc les deux places à la question. Donc qui chantait la chanson Sunday Bloody Sunday ? Effectivement, c'était le groupe U2. Ah. Et donc maintenant la nouvelle question qu'on vient de poser, écoutez bien et répondez donc vite en commentaire de cette question. Moi j'ai une réponse. C'est vrai ? Ah non, j'ai pas encore de réponse. Moi j'ai une réponse. Ah. Ah, je donne la réponse ? Et là, je l'ai en direct. Eh ben, écoute, comme c'est la première à avoir répondu, on passe les deux titres, on revient juste après, on donne son nom. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Alors, on va accepter la réponse que tu as. Oui. Et on va accepter la réponse par ordinateur. Ah bah écoute, ça marche. Mais c'est la même, hein, c'est la même. Hein. On est aussi sur. Ah, c'est peut-être la même. Ah ouais, non, mais moi je l'ai pas dans mes commentaires. Donc, bah oui, mais c'est pour continuer, la première personne qui répond donc dans les commentaires peut gagner également deux places. Donc, Facebook. Là voilà. pour cette dernière question, il y a donc 4 places aussi, à gagner de ce malgré tout, c'est Facebook aussi. Mais oui, voilà, mais là c'était un. Voilà. Voilà, ok, ça marche. Ok. Allez, donc là, donc il y a effectivement 4 places à gagner. Il y en a déjà 2 qui ont été gagnées. Il reste 2 places. N'hésitez pas à noter ça dans les commentaires. Allez, c'est parti. Oh là, il y a la pêche, Sherlock. Take life on earth to the second birth, and the man

Alors la version française c'était Le bleu des regrets le par Gérard Lenormand. Ah ouais, ça c'était terrible. Il aurait pu s'abstenir quand même. C'est vrai. Honnêtement. Alors apparemment ça évoque pas mal de souvenirs à tous nos auditeurs. Je pense à Nathalie d'ailleurs hein, qui me dit oh, qu'est-ce que j'ai pu danser. Enfin bref, tout comme nous d'ailleurs. Hein, oui évidemment. Oui bien sûr. Qu'est-ce qu'on a pu danser sur cette chanson honnêtement. Hein? Lové. Lové. Ouais. Ah ouais ouais carrément. Ça te rappelle des souvenirs aussi. Hein. Ouais. C'est ta génération aussi Arnaud. Bah, carrément. Ah ouais. Toi slow, tes slow préférés ce seraient lesquels? Bah ça c'était bien. Hein. Ah ouais, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres dans les années 80. Ah ouais. Oui, ouais, moi j'en avais un. Ah, c'était quoi? C'était les Corgis. Ah oui. Everybody's got a lonesome time. Il est super long. Oui. Donc je me suis dit, pour emballer, c'est génial. Quoi. Oui, alors, ça a un côté positif, un côté c'est négatif. C'est vrai que si tu te fais rembarrer dès le début, tu te dis, merde, il reste 5 minutes. Alors, voilà, c'est un peu comme Purple Rain, quoi. Purple Rain, qui dure presque 9 minutes. Il fait 8 minutes 14. Voilà, donc si t'as un bon plan, t'es avec ta nana, c'est nickel. Alors, si par contre ta nana, elle est vraiment pas chaude et qu'elle a pas envie, tu tapes 8 minutes de slow avec une nana, tu sais que tu finiras pas avec elle. mais c'est dans ces cas-là où. Quand tu faisais, tu sais, on faisait des booms ou des trucs comme ça. C'est vrai, avec les Frestagada et l'Oasis. Ouais, bah ouais. Et puis, t'arrivais, t'étais en train de danser, et puis d'un coup, tu faisais « Allez, on change !» Parce que tu te dis « Toi, c'est mort, donc on va changer au cas où il y en a une autre. » Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah ouais, bah ouais. Moi, je l'ai fait. Hein. Okay. Bon, j'ai changé tout le temps, jamais chopé. Hein, mais cette ambiance, quand même, je le rappelle que vous allez le retrouver, et c'est pas un vain mot de le dire... Oh, qu'est-ce que je parle bien. Oui. ce samedi 14 octobre, donc pour la soirée, donc années 80, 90 et plus, c'est-à-dire jusqu'aux années 2000, en fait des années 80 aux années 2000, Jean-Marie a voulu restaurer un peu cet esprit des années 80 et où vous allez avoir à la fois de la variété française, de la variété anglophone, mais que les tubes des années 80, 90 jusqu'à 2000, et il réinstaure hein, quand même toutes ces sessions de slow où on avait l'habitude quand on était un tout petit peu plus jeune, hein, Arnaud, Sherlock, voilà où on était un peu plus jeune et on adorait à ce moment-là. Effectivement, on attendait. Moi, je me rappelle, hein, j'attendais quand même le moment des slow parce que j'étais pas forcément un très bon danseur. Non, moi non plus. Et j'attendais des slow parce que bah tout le monde savait les faire et puis c'était toujours aussi un peu l'occasion de faire des rencontres plus ou moins bonnes. mais voilà. Donc ah ouais, c'est ça. C'est parce que tu choisissais pas. Si, parce que c'était rare qu'une femme venait vers moi, honnêtement. Je sais pas pour toi, Arnaud, toi, t'étais un tombeur quand t'étais jeune. Ah oui. Ah ouais, mais moi, non. C'est moi qui devais courir après la nana, quoi, et trouver tous les subterfuges pour pouvoir l'inviter, alors que maintenant, il suffit de dire, on danse. c'est ça. Et donc, alors, à l'époque, c'était un peu compliqué. À l'époque, t'avais l'impression de gravir l'Everest. Ah ouais, carrément. Tu la voyais, t'avais des sueurs froides dans le dos, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors que, c'est tout con, faut juste dire, tu danses. Maintenant, on s'en rend compte, mais à l'époque, c'était. Alors qu'aujourd'hui, on a plus tendance à dire tu. tu danses. Oui, effectivement. Ouais. Hein? Est-ce que tu baises? Voilà. C'est un peu ça. C'est ça. Ouais. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je rappelle, c'est le samedi, donc 14 octobre. Donc, c'est à la Blomerie, donc à Moucron. Un bel événement. Donc, il y en a plusieurs comme ça dans l'année, mais faut pas les louper parce que forcément, il y a pas les places sont pas quand c'est plein c'est très vite plein. Ça il y a environ 800 à 1000 personnes quand 1000 même, personnes hein, qui viennent à la soirée absolument et si ça vous sera connaissez pas une petite soirée ouais et si vous connaissez pas la Blomerie franchement rien que déjà pour la Blomerie faut y aller parce que c'est un bel endroit c'est une belle salle c'est une salle de réception hein, carrément je sais pas si t'as déjà été Arnaud très très belle salle de réception avec une belle déco loin. Et puis maintenant, t'as quitté ta Bretagne native quand même. Ouais, maintenant tu t'es installé à la frontière belge. Et voilà. Donc non, c'est juste à côté, c'est dans le zoning de Moucron, évidemment, donc surtout ne ratez pas l'occasion de passer une très très bonne soirée. Nous, on y sera sur un tard, évidemment, avec Canon. Donc ce sera le 14 octobre. Et donc on a les deux gagnantes. Donc on. Tu vois, toi, tu avais une gagnante de ton côté qui s'appelle donc... Alors, allons-y. Gagnante Nathalie Delgrange qui remporte donc deux places donc pour le 14 octobre. Et il y a également, donc via la page... c'est aussi hein, via Facebook, évidemment, mais la page 80 à l'heure. Donc, et là, c'est Lulu Dussard. Lulu Dussard, j'imagine que c'est Ludivine. C'est ça, c'est Ludivine. Voilà, donc... Pour tous ces gens qui ont gagné, évidemment, bah, c'est très simple. Nous, on a répertorié les noms. Il suffira tout simplement d'aller directement donc à l'entrée de la soirée. Vous y allez à l'heure que vous souhaitez. Avec une pièce d'identité. Avec une pièce d'identité, bien évidemment. Et puis, vous dites que vous venez donc de la part de la radio RQC en donnant votre prénom et votre nom. Et ils se feront un plaisir donc de vous faire rentrer. Vous venez à deux, accompagné de il, de elle ou de qui vous voulez. En tout cas, sachez que si nous, on n'en bénéficie pas forcément. Donc, si vous voulez aussi nous inviter si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera un plaisir aussi d'y être. Non, mais nous on y sera bien évidemment. Saint-Valentin, c'est en février, dans quel temps? Ouais, non, mais c'est pas pour la Saint-Valentin. Non, sans malentendu. Hein. Ouais, si ça marche, aussi, hein. Si ça marche, ouais, absolument. Autre événement, tiens, pour le citer au passage, un événement auquel on va participer, enfin, où je participerai aussi également, c'est le salon commercial de la ville de Waterloo. Oui. Voilà, donc qui aura lieu donc le 27, le 28 et le 29 octobre, donc au CSE de à la salle Roger Salengro, pardon, donc de Waterloo, où vous allez retrouver près d'une centaine hein, quand même d'exposants. Donc cette année il y en aura plus que l'année dernière. Ils ont déployé plus de moyens, donc il y aura aussi des exposants à l'étage, il y aura des exposants à l'extérieur. Ah ouais, quand même. Ouais, donc ouais, c'est un événement qui fonctionne bien quand même. Ouais, hein. Ouais, il marche très très bien. Donc vous y retrouverez tous les plaisirs de la bouche. S'il te plaît. Hein, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Je n'ai rien dit. Voilà. En même temps, vu comment tu l'amènes. C'est vrai. Donc, des plaisirs de bouche, on va dire. Des plaisirs de bouche. Vous aurez aussi des stands artisanaux. Vous aurez aussi également tout ce qui concerne les vêtements, l'habitation, la déco, les bijoux. Il y a plein de stands éclectiques, n'est-ce pas? Vous y trouverez forcément votre bonheur. Mais de toute façon, vous pouvez aussi y aller que pour vous balader, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Donc voilà, il faut retirer vos invitations. Donc vous retirez soit à la mairie de Waterloo ou soit dans tous les commerces où vous aurez les invitations pour participer au salon commercial. Donc c'est pas le vendredi ici, mais c'est le vendredi d'après. Non, c'est dans deux semaines. Donc le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29 octobre, donc de 10h à 19h, et vous aurez l'occasion donc de rencontrer pas mal d'artisans, de produits locaux, et puis il y aura de l'animation puisque je serai moi-même donc animateur du salon avec mon comparse Hervé aussi de la troupe Évasion, et on sera un plaisir donc d'animer tout ça. Et croyez-moi, il y a une très très bonne ambiance, tous les commerçants s'entendent très très bien, et c'est toujours un plaisir de travailler pour eux. Il y a une bonne animation, et c'est les commerçants qui le font, hein, l'animation, faut le savoir. Mmh. Et puis il y a aussi de quoi faire de bonnes affaires puisque vous avez les prix salon, donc sur plein de choses, hein, que ce soit d'électroménager. Je salue au passage Jean-Michel Corbillon, voilà, que tu connais aussi. J'ai vu il y a deux jours. Voilà, donc Jean-Michel Corbillon qu'on salue au passage. Il y en a d'autres évidemment. Je pense à Nathalie aussi également, qui a un stand de vêtements avec des écharpes, des bonnets, des gants. Il y a peut-être aussi S. By Séverine. Il y aura bien sûr By Séverine qui sera là. Il y aura Madame Patate, si ma mémoire est bonne. Madame Patate. Madame Patate, ouais, pour toute la partie restauration. Il y aura également. Il y aura aussi Jean-Marie de chez Arredo Cucine, donc les cuisines italiennes. Il y en a plein. Il y en a plein. Honnêtement, je les ai pas tous en tête, mais en tout cas, si vous souhaitez vous balader, découvrir des nouveaux produits, des produits régionaux, locaux, et ben écoutez, allez au salon commercial donc de Waterloo. C'est le dernier week-end du mois d'octobre, hein, tout simplement. 27, 28 et 29 octobre. Absolument. Okay. J'espère que vous y serez quand même. Vous allez faire un petit coucou. Moi. Éventuellement, ouais. Pourquoi? Ouais, moi je passerai, je pense. Hein? Je passerai. Hein? Il faut. T'emmerdes un petit peu. Ah bah bien sûr, mais avec plaisir. Avec plaisir. Non, je viendrai tout seul, hein. Je serai pas avec plaisir. Bon. Alors, j'en profite. Vas-y, profites-en. Ce soir, on a une nouvelle auditrice. Ah, encore? Ça, c'est génial. Nous écoute de très loin. Ah, nous écoute d'où? De Toulouse. Enfin, ah, quand même, oh, Toulouse. Ouais. Et c'est Julie, je passe le bonsoir. Et elle a demandé également si, pour la prochaine coupure musicale, tu aurais dans tes archives sonores, on va dire, un morceau de YouTube, with or without you. Oh, Un morceau de YouTube. Oui, j'ai du YouTube. Ah bah écoute, moi j'ai aussi une autre demande de Nathalie qui demande Still Loving You de Scorpion. Eh bah allez, bah c'est parti. J'étais parti sur d'autres titres, mais on va partir là-dessus. Hein. Donc With or Without You. Alors tu fais une dédicace pour Julie. Alors vas-y. Qui nous écoute de. Bah voilà, Julie, donc. Fais-nous à l'ancienne. Comment ça à l'ancienne? À l'ancienne et on faisait pour Julie de Toulouse. Et oui, donc pour Julie de Toulouse, YouTube avec With or Without You. Et ensuite on viendra avec le titre de Scorpion, Still Loving You. Ouais, j'ai des pieds qui puent. Ce soir, ouais. Alors, le truc, c'est que si tu le dis avant la chanson, les gens qui vont l'écouter, ils vont plus entendre que ça. Alors, je le dis pour Nathalie, voilà, qui nous écoute. Tu écoutes bien Still Loving You, il y aura un moment, il y aura le chanteur qui va dire Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Voilà, ce soir, j'ai les pieds qui puent. Donc, tends bien l'oreille. C'est une hallucination auditive. Absolument. Et on s'était bien marré à l'époque, quand on avait fait cette chronique. C'est voilà. Mais là, on se marrera un peu moins, puisque c'est les. Oui, effectivement. Ouais, quoi qu'on peut se marrer aussi. On démarre avec. Donc avec You Too, With or Without You. Ah bah voilà, allez, c'est parti. Julie. Without you. Alors, on en parlait hors antenne, et c'est vrai qu'on se posait la question suivante, parce que Scorpion était un groupe de hard rock quand même. Oui. Voilà, et aujourd'hui... groupe de hard rock allemand, il me semble. Ouais, absolument, d'origine allemande. Et on se disait, mais tiens, allez, Flipkat, cite-moi le titre, un titre rock de Scorpion. Oui, mais non, justement, Sherlock, on en revient. Cite-moi un titre de rock. Aucune idée. Arnaud. C'est vrai que à part Steve Loving You, mais c'est vrai que enfin je l'ai déjà dit, mais les groupes de hard rock sont beaucoup plus connus la plupart du temps pour leurs ballades, ce qu'on appelle des power ballades d'ailleurs. Bah Metallica, Nothing Else Matters. Ouais. Ceci dit, vous avez des groupes de hard rock ou rock, hein, parce qu'après ça dépend comment vous les définissez, où on les connaît que pour les morceaux de rock. Hein. Je pense à AC/DC, il n'y a jamais eu un saut de AC/DC. Non. Hein. Non, j'en connais pas. Effectivement. Voilà. Alors, il y a eu des morceaux de blues, évidemment, mais des morceaux de des slow, jamais. Et AC/DC, bah, quand vous entendez AC/DC, vous dites Hells Bells, Highway to Hell, et pas de slow. Tiens, c'est curieux. C'est un des seuls groupes, il y en a d'autres, hein, certainement, qui, quand on parle d'eux, ils sont connus vraiment que pour leurs morceaux de rock. Quoi. Mm-hmm. Donc voilà. C'est vrai, mais il y a, même après, dans les années 90, il y a eu notamment Extreme, qui est connu pour More Than Words. Qui est extrêmement connu, c'est Modern World. Ah oui, c'est un groupe de rock aussi, ça. C'est un groupe de hard rock. Si tu écoutes, alors déjà, l'album sur lequel est Modern World s'appelle Porno Graffiti. Ah ouais. Donc déjà, ça te donne un petit peu l'idée de l'album, et c'est super violent, quoi, quand t'écoutes. Bien sûr. Ah bah, mec, je suis d'accord. Et par contre, ce qu'on a retenu, c'est Modern World. Bah, de toute façon, il y en a plein comme ça. Bon, peut-être un peu mitigé, mais Aerosmith, on peut le dire aussi. Oui, pour ses balades. Ils sont beaucoup plus connus pour leurs balades. Eux, ils ont vraiment commencé vraiment à percer avec l'album Get a Grip. Et dans lequel il y avait Crying, il y avait Amazing, il y avait... Je vais dire, il y a eu deux périodes, mais Flipkat pourra en parler également dans une chronique que je lui demande depuis des lustres, qu'il n'a toujours pas fait. Non, mais je vais reprendre les bonnes vieilles chroniques. Je vais pas m'étaler sur les One Hit Wonder, parce que justement, je voulais rebondir là-dessus, par rapport à Scorpion, c'est que quand on tape maintenant le terme de One Hit Wonders, One Hit Wonders UK ou... Alors rappelle un peu nous le principe du One Hit Wonders. Ce sont des gens qui ont cartonné au travers d'un seul single, qui ont parfois même fait un album, celui d'un album, duquel ont été tirés d'autres singles, mais qui n'ont pas marché. J'avais débuté l'histoire avec Nena, et le titre Nine Unknown Sea Shluff Ballons, c'est vrai, qui avait été fait d'ailleurs chanté par Nena en anglais, c'était 99, pardon. Un Red Balloons. Red Balloons. C'est compliqué hein, quand on traduit. Red Balloons. Ouais, non, c'était pas Red Balls. Non. Red Balloons. Balloons quand même, d'accord. Et elle avait fait d'autres singles, mais qui ont marché en allemand parce que chantait en allemand. Alors effectivement, sont des gens qui n'ont pas persévéré dans cette voie-là, qui auraient pu peut-être faire une grande carrière. Et il y a des gens, je l'avais fait la fois dernière avec le cas de John Hallowick, qui ont fait qu'un seul single et rien d'autre. Ah oui, oui. Et franchement, rien d'autre. Le chant de Noël. Le chant de Noël qui était normalement... qu'il est devenu un petit peu par la force des choses. C'est sorti en novembre. Hein. et qui dénoncent un petit peu la stupidité des guerres et qui, voilà. Et ce sont des gens qui, à mon avis, ont été un petit peu surpris eux-mêmes du succès qu'ils ont pu rencontrer quand ils ont sorti ce... Mets-toi à la place de Gigi Lionel quand il a chanté la danse des canards. T'es surpris, quoi. Merde, ça marche. Merde, ça marche. Un peu léger pour répondre, pas ta question, mais par rapport à Scorpion. C'est sûr que Scorpion n'a pas fait que Still Loving You. Non. Voilà. Il y a eu d'autres choses aussi. On en parlait justement précédemment. C'est vrai que beaucoup de groupes de hard rock, même de métal, même on en parlait même comme Metallica, ont fait de superbes slows. Et à mon avis, les plus beaux slows de l'histoire de la musique. Ouais, oui, bien sûr. Mais c'est pas pour autant qu'on pourra les qualifier de One Hit Wonders parce qu'à côté de ça. Ah non, bien sûr. C'est parce que c'est pas une musique qui est dans le courant, dans le courant actuel de ce qui passe sur la FM. Hein, comme notre ami Canon appellerait, sont des niches. Il aime bien ce terme. Nichons, tu veux dire. Canon, il dit nichons. Il y a des nichons aussi, voilà. Niche. Ouais, parce que c'est des miches. Vous, non, des miches, tu veux dire. Des miches. Hein. Des miches de deux. Mais voilà. Parce que quand t'écoutes Metallica, alors on connaît par Nothing Else Matters qui était début 90, ouais. Mais dans les années 80, ils avaient fait ça. Ça c'est Master of Puppets. Ouais, bien sûr. C'est même c'est du bon gros rock qui arrache, quoi. Ouais. Et je crois même que ça s'est tiré de l'album And Justice for All. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, avec une justice ensanglantée. C'était violent. Je pense. Je peux pas te contredire là-dessus, parce que j'ai un doute, ouais, mais si, c'est si, bien si, possible. Si. Oh là là, mais ouais. Si. Moi j'ai suivi très longtemps Metallica et j'ai toujours été fan de Metallica. Qui sont des jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont commencé très très jeunes, ils sont pas si vieux que ça. Ils ont même pas la cinquantaine. Mm-hmm. Ils ont démarré très jeunes. Ils sont vraiment très jeunes. Non mais parce que ça fait au moins 30 ans qu'ils, plus que ça, même 35 ans, je crois qu'ils. Enfin, il faudrait vérifier, mais Metallica, ils sont encore assez jeunes. Bon, Sherlock. Oui. Je sais que tu es malade. Oui. Que tu as le bouchon qui ne demande qu'à sauter. Péter. J'ai le Boeing en bout de piste. Ouais. C'est ça, t'as le cigare au bord des lèvres. C'est ça, j'ai la top au guichet. Ouais, Ben Johnson dans les starting blocks. C'est ça, ouais. Bientôt tu vas faire prendre un bain à Soraya Bonali. Allez, c'est le moment de nous donner envie d'aller au Cinoche. Oui, alors attends, parce que là, de ce fait-là... Parce que en même temps, je suis avec les gagnants, donc je vais répéter leur nom, d'ailleurs. Oui, vas-y. Donc, les cinq gagnants de ce fait-là pour la soirée de la Blomerie, pardon. Donc, il y a Alain Formatique, Isabelle Cartier-Ponthieu, Martine Paoli, Lulu Dussard et Nathalie Delgrange, donc qui ont gagné chacun et chacune deux places pour la soirée 80-90 plus au domaine de la Blomerie, samedi soir. Voilà. Et donc là je suis en train de communiquer un petit peu avec tout le monde pour dire comment ça doit se passer. Communique, voilà. Tu as raison. Donc maintenant, oui. Tu peux plus hein, parce que c'est ta chronique, je sais pas comment tu vas faire. Ouais, ça va être compliqué, mais je vais me débrouiller. Alors attends, parce que je prépare un petit peu mes trucs quand même. Bah vas-y hein. Tu veux qu'on meuble pendant ce temps-là ? Non, ça va aller, regarde. Oh. Hop. Comment ça, R2 ? On m'attend déjà pour les sorties ciné. Ah non, tu le refais là. Ouais. Coupé. On coupe. Tu recommences. Alors attends, je recommence. Ah hop, ouais, non, c'est non, parti non, c'est et coupé. Là le tuba là au fond, ça va pas là. Faut la refaire. Que se passe-t-il, R2 ? On m'appelle déjà pour la chronique sorties ciné. Bon, ok. Oui, c'est vrai qu'il est quand même déjà 10h10, enfin 22h10. 22 heures passées de 10 minutes, comme on disait dans les années 80. Donc, effectivement, je vais me dépêcher. Allez, c'est parti. Donc, je commence avec les sorties cinéma de la Belgique pour ce mercredi 11 octobre, pardon, 2017, avec La Montagne Entre Nous. C'est avec Kate Winslet, Idris Elba et Beau Bridges. C'est un film de Hani Abou Assad. Ça sort en France le 8 novembre. Donc livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine montagne, deux étrangers doivent compter l'un sur l'autre pour faire face aux conditions extrêmes. Ils ne se connaissent pas du tout, ils étaient dans un petit avion privé, ils s'écrasent en pleine montagne et ils vont essayer de s'en sortir en sachant qu'il n'y a personne à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Mmh. Un peu comme Titanic. C'est ça, ouais, bah ouais, Kate Winslet, la pauvre. qui se retrouve encore dans une sale histoire. Hein. Ouais, c'est bah dommage. Oui. Encore avec du froid, hein, quand ouais. même. Mais il y a qui comme acteur, t'as dit, dedans? Alors, il y a Kate Winslet, il y a Idris Elba, qui est français, hein, il me semble. Idris Elba. Ouais. Lui aussi a des problèmes gastriques, alors. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est Idris. Qui est ton surnom, on va t'appeler Idris maintenant. Idris Elba. Tourista ouais. général. Eh oui, tourista général. Il est content, il a sorti son petit son là. Ah bah oui. Alors, ensuite je continue avec American Assassin. C'est avec Dylan O'Brien, alors que les plus jeunes peuvent peut-être connaître par rapport au film Le Labyrinthe, qui est sorti il y a quelque temps. Le Labyrinthe, ah oui, non, pas Le Labyrinthe. Le Labyrinthe. Ouais, d'accord. Le Labyrinthe, la Terre brûlée. Oui. Normalement, il devait y avoir un troisième, mais apparemment, ça ne se fera pas pour l'instant. Et qui est également connu pour la série Teen Wolf, qui était aussi un film des années 80. À l'origine, ouais. Ouais. Avec G. Fox, d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Et donc là, ben, ils en ont fait une série qui est plus du tout orientée bon enfant. Hein. C'est vraiment les loups-garous qui attaquent. Enfin, c'est beaucoup plus action. Il y a également Michael Keaton et Taylor Kitsch. C'est un film de Michael Cuesta. Et c'est sorti déjà en France le mois dernier, le 20 septembre. Donc c'est une nouvelle recrue, donc Dylan O'Brien, d'une équipe d'élite officiant pour le contre-espionnage américain. Mitch Rapp va suivre un rude entraînement mené par Stan Hurley, formateur légendaire de la CIA. Face à une vague d'attaques terroristes sans précédent à travers le monde, les deux hommes vont devoir s'attaquer à Ghost, un individu aussi dangereux qu'insaisissable. Ils vont découvrir par la suite que Ghost est un ancien élève de Stan Hurley qui est passé du mauvais côté. Ouh, ok. J'ai pas tout compris, hein. Donc, c'est pas compliqué. Mitch Rapp. Vas-y, voilà, regarde. Alors, regarde, mais oui, voilà, mais... regarde. Donne-moi ta feuille. Donne-moi ta feuille. Voilà, et tu vas nous raconter l'histoire. Allez, hop. Donc, Mitch Rapp, qui est joué par Dylan O'Brien, ouais. Est une nouvelle recrue donc, qui est formée par Stan Hurley, c'est ça ? Stan Hurley, absolument. Stan Hurley, voilà, qui est vraiment le big boss au niveau des formateurs de la CIA. Et donc, il doit faire équipe pour essayer de combattre Ghost, qui est un ennemi un peu invisible, et ils se rendront compte durant leur périple que c'est un ancien élève de Stan Hurley qui est passé du mauvais côté, et ils vont le combattre. Bien, d'accord. Alors les sorties France, il y aura oui. Kingsman, le Cercle d'Or. Oui, Kingsman, donc le numéro 2, donc là c'est les Kingsman qui sont donc les... on va dire les James Bond costard cravate, tu vois, vraiment ouais. le nec plus ultra de l'intelligence anglaise, qui se retrouvent un petit peu à la rue parce que leur QG a été bombardé, et ils vont devoir faire alliance avec les Statesmen, donc qui sont eux l'intelligence, les services secrets des États-Unis pour combattre un ennemi qui veut, je crois que c'est une guerre nucléaire ou un truc comme ça. Parce que c'est toi qui as ma feuille maintenant. Alors les acteurs, c'est qui? Oh là là. Alors t'as Taron Egerton. Il y a Colin Firth dedans. Je sais qu'il y a Colin Firth. Halle Berry. Oui, Halle Berry, exact. Et le dernier, je ne me souviens plus. J'ai Taron Egerton. Voilà, Taron Egerton, qui est donc le jeune en fait, le jeune dans le film. Et il est déjà sorti en France depuis. Ah non, c'est en France ça, donc il est déjà sorti en Belgique. Oui, forcément, il est déjà sorti demain. il sort demain en France et il est sorti en Belgique le 28 septembre. Et enfin, je vais finir avec le film Coexister, c'est un film de Fabrice Eboué. Ouais. Ça sort également en Belgique demain, c'est une comédie forcément, comme vous l'aurez deviné. Et donc, c'est avec Guillaume de Tonquédec qui jouait donc, dans Fais pas ci, fais pas ça. C'était Monsieur Lepic. Ah oui. Ramzi Bédia de Eric et Ramzi et Audrey Lamy. Qui joue dans Scène de ménage. Oui. Il l'a pas belle. Ouais, c'est ça. Oh, elle est vilaine. Ouais, par rapport à sa sœur, c'est vrai que elle est beaucoup moins belle. Pas beaucoup. Hein. Alors donc sous la pression donc de sa patronne qui est jouée par Mathilde Seigné, un producteur de musique donc qui est joué par Fabrice Eboué, donc qui est à la dérive, décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre ensemble. Mais les religieux qu'ils recrutent, sont loin d'être des saints. Effectivement, j'ai vu la bande-annonce, ça me paraît vraiment, vraiment très sympa. Et à ce qu'ils en ont montré au public test, parce qu'ils font toujours des projections avec un public test, ça a très bien fonctionné. Donc, c'est repris par rapport les prêtres, voilà. C'est par rapport aux prêtres. Les acteurs voudraient déjà faire un numéro 2, parce qu'ils se sont éclatés dans le film. Maintenant, à voir. Parce que Fabrice Eboué, apparemment, on lui a dit « Ouais, fais-en avec un bouddhiste ou des trucs comme ça pour dire de changer encore. » Mais à voir. Ouais, ouais. Mais enfin, ça a l'air assez sympa quand même. J'ai vu un de ses films là, Casse départ. Ouais. Oh, c'est pas hilarant. Hein. Oh, il y a des bonnes gags, petites scènes. Ouais, ouais. Quelques gags avec Thomas et Gijol, ouais. Mais bon. Et Thomas Gijol, il est pas là dans Coexister. Non, il est pas là. Ou alors il fait un petit rôle, mais ouais. Il est pas noté dans les têtes d'affiche en tout cas. D'accord. C'était voilà, le dernier ? Oui, c'était le dernier, effectivement. Bon, Arnaud, tu irais voir quoi ? Ouais, celui-là. Coexister. Ah ouais, d'accord. Puis le 4 ? Le précédent, là, qui m'avait l'air pas mal. Kingsman. Ouais. D'accord. Ouais, non, parce qu'on parle d'Angleterre, alors, évidemment. Bah non, est-ce que, non, tu, non. As vu le, est-ce ah que ouais. tu as vu le premier, par contre ? Non, du tout, justement, ça me dit rien. D'accord. Alors, le premier était déjà détonnant. Hein. Franchement, ça tirait de partout. C'était, c'est de l'action pure et dure, quoi, mais c'est excellent. Justement, à côté, James Bond, c'est une fillette. Hein, ouais, c'est une tapette. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est une tapette. Si, si, on peut dire que c'est une tarlouse. C'est une tapette. Non, mais parce qu'il y a de l'action, ouais, pour une fois, allez, mais, ouais, ça me déplairait peut-être pas. D'accord. Voilà, moi je pense. Non, t'as pas posé la question. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Voilà. Et toi ? Celui avec Kate Winslet. La montagne entre nous, d'accord. Ouais, le titre me plaît un peu moins, mais Kate, oui, plus. Oui, bah oui. Non, mais j'aime beaucoup cette actrice en fait. Voilà. J'aime bien son jeu d'acteur. Ouais. C'est d'accord. Juste sexy, quoi. Bah ouais, moi je la trouvais pleine de charme, moi, cette actrice, oui. Honnêtement. Ouais. Eh ben écoute, merci. Allons-y. Eh ben je vous en prie. Alors on va se faire une dernière petite coupure musicale. Après on va se rappeler un peu toutes les actualités qui nous concernent, ce qui se passera donc dans les prochains jours. Et Dieu sait qu'il y en a d'actualité. Alors moi j'ai une petite demande. Ça va peut-être te plaire. Parce que je sais que tu aimes cette chanson. Ah. Si je te dis Careless Whisper. Ah, George Michael. Enfin, est-ce Wham. Que t'as ça? Oui, bien sûr. Ah, c'était pas Wham, hein, c'était que George Michael. Alors oui. Effectivement, ouais. Il y a eu. Et ça a été dans l'album de Wham. Ouais, c'est mais ça. Il l'a chanté. C'était dans l'album de Wham, mais ouais, il est sorti en single sous le nom de George Michael. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Ok, Careless Whisper, c'est fait. Et je peux faire un roulet de son, moi ? Vas-y. Stop. Vanilla Ice avec Ice Baby. Non, tu peux le retourner. Ok, vas-y. Vas-y. Alors, encore un stop. Ah, bah écoute, Patsy. Ah, Patsy, oui, Liverpool, ouais. Allez, ça suivrait bien, tiens. Et on salue Patsy au passage, d'ailleurs. Qu'on a de temps en temps, enfin avec qui j'échange de temps en temps et qui a quelques projets sympas et je ne désespère pas revoir dans nos studios puisqu'effectivement c'est quand même une nana qui avait très bien marché dans les années 80 et qui est de la région hein, tout simplement et qui est une personne très très accessible donc Patty avec Liverpool. Quelle année tu l'as toi 88. Ouais. Tu te rappelles de Liverpool? Ouais mais j'aurais dit avant ça. Hein. Ah ouais non, c'est bien, j'avais 88. Ouais. Ah là là. Le fantasme de beaucoup d'hommes, je pense, ouais, à l'époque. Non, moi, c'est plus enfin, de beaucoup d'adolescents. On peut toujours rêver. Allez, bah, c'est parti. des jours quand la pluie coule. Où toutes les villes ressemblent à Liverpool. L'imperméable que les a la peau. La barbe enfoncée à coups de marteau. Le film de la journée, même pas un mec à qui parler, les yeux dans le vide, l'antenne en son jean, il écoute John Lennon et il imagine, les yeux dans le vide. Planté dans son jean, il écoute John Lennon et il imagine. Immobile et sans illusion, les yeux rivés à son plafond. Il y a des jours. Patsy avec Liverpool, c'était vraiment l'archétype de... Non, Patsy, c'est... Ah. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, mais ça, je cherchais mes mots, mais en fait, tu résumes très bien ma pensée, en fait. j'en parlais à Arnaud, la petite anecdote, justement, sur Patsy. Je sais pas si toi, tu l'as vécu à cette époque-là, mais... moi, j'avais 15 ans, je partais en voyage, et j'écoutais dans mon, mais vraiment, et c'est la vérité, j'écoutais dans mon Walkman, évidemment, dans mon baladeur, comme on disait à l'époque, j'écoutais Liverpool, mais en boucle, mais vraiment en boucle. Et est-ce qu'il était auto-reverse, ton baladeur? Je ne sais plus. Certainement, peut-être, je sais plus. Mais auto-reverse, c'était un Sony, et puis il y avait l'équaliseur. Ah, c'était pas un Sony, ça c'est sûr, c'était pas un Sony. C'était peut-être un Philips, je pense, à l'époque. Un Philips, de base, ouais. Je sais pas, j'en sais rien, je sais plus. Celui qui bouffait les bandes. Mais c'est, ouais, certainement. Mais et j'écoutais en boucle comme ça, et sincèrement, en toute honnêteté, j'étais amoureux de la chanteuse, mais vraiment. Et je l'idéalisais, enfin je l'imaginais, parce qu'en fait je la voyais pas, enfin j'écoutais la chanson mais je voyais pas à qui elle ressemblait. Et puis quelques années après, ici, dans les studios de RQC, on avait eu l'occasion, donc à l'époque, rappelez-vous, de défendre les intérêts donc de Florence Cassé ouais. Avec une association qui s'appelait l'UAFFC, donc United Artists for Florence Cassé. Et puis, ben, on avait pris position sur l'innocence de Florence Cassé. Et donc, toute l'association était venue nous rejoindre ici dans les studios, avec quand même des grands noms qui sont venus nous rejoindre. Ouais, Fred Alain Ponthieu, je pense. Voilà, Fred Alain Ponthieu, Michel Sanchez, donc de Deep Forest. On a eu des gens aussi comme Romero qui nous ont appelés. John Romero? Non, pas John Romero, mais un ancien ministre qui nous a appelés. Il y avait Debrez qui nous avait appelés. Il y avait Florence Cassé qui nous a appelés, oui. Du Mexique, carrément, exact, en ouais. Direct. J'étais là dans le public. Voilà, donc c'était assez émouvant. Et voilà, enfin bref, c'était une belle expérience. Et arrive Patsy. Voilà, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et je vois arriver Patsy, et bonjour, voilà, on se présente, machin, et puis tu es qui? Je suis Patsy, moi j'ai fait un titre dans les années 80, et elle me dit j'ai fait Liverpool. Grosse suée, tu vois, mais vraiment, honnêtement, grosse suée, et j'ai pas pu m'empêcher à ce moment-là, n'ayant pas la langue dans la poche, de lui dire, mais j'étais amoureuse de toi. J'étais amoureuse de toi quand j'étais amoureuse, jeune, quoi. T'étais amoureux de toi. J'étais amoureux de toi. Non, alors, c'est ça va. Ça. Non, mais j'en garde une telle émotion. Et j'étais amoureux d'elle, quoi. Et je lui ai dit, carrément, quoi. Et je me rappellerai toujours, j'ai dit, mais pour moi, je me représentais une femme d'un certain âge. Et je lui ai dit, mais attends, t'as quel âge? Et en fait, elle avait 3 ans de plus que nous. Puisqu'en fait, quand elle a chanté, elle avait 18 ans, quoi. Ouais. 18 ans, et j'en garde un merveilleux souvenir, et d'ailleurs, j'en garde aussi quelques contacts, de temps en temps, on s'échange des messages, quoi. Oh là. Bah ouais. Des échanges professionnels, Arnaud, mais complètement. Et d'ailleurs, je suis l'actualité, hein. Patsy est en train d'enregistrer des titres, et d'ailleurs, avec Morgan, avec Liorca, ils sont en train de préparer quelque chose, là, donc, plus dans l'esprit années 80, et on aura des nouvelles, je le sens bien. D'accord. Donc voilà. Eh bien, il nous reste plus beaucoup de temps. Il va falloir que nous nous quittions. Que nous nous quittâmes, ouais. N'est-ce pas? Que nous nous quittiasses. Ah bon, ça existe ça aussi? Ouais, on va improviser. Hein. Bah oui. Que nous nous quittiasses, voilà. Que nous nous quittiasses, absolument. Le temps de rappeler, effectivement, donc, que ce samedi-ci, il y aura donc une super soirée à la Blomerie. Au domaine de la Blomerie, donc à Moucron, hein, c'est dans le zoning. C'est une soirée qui est organisée entre autres par Jean-Marie et son associé. Donc soirée années 80 et 90 et plus. Donc c'est-à-dire que ça va couvrir toute la musique des années 80 jusque les années 2000 avec DJ Pimpon et DJ Benji. Et croyez-moi, même si les noms vous font un peu sourire, c'est des noms qui ont une sacrée notoriété. Ouais. Vous passez un très très bon moment. Donc ce sera ce samedi-ci, donc à partir de 21h. Nous on y sera aux alentours d'une heure, 2h du matin, évidemment, puisque on a aussi une autre actualité. La semaine prochaine, alors je ne sais pas, la semaine prochaine si on reçoit quelqu'un, je ne sais plus, j'ai un doute, mais peut-être. Ceci dit, dernière semaine donc d'octobre, on va recevoir donc Party Song, le groupe Party Song qui va se produire aussi également donc dans les semaines à venir. Donc c'est un groupe de chanteurs qui chantent en live avec des vrais instruments, avec des vraies voix, et ils envoient du lourd, comme dirait Canon. Et on aura Romuald et la présidente donc du groupe et de l'association qui seront avec nous donc le dernier mardi de ce mois-ci, dont j'ai oublié la date. On aura donc aussi également donc la délégation de Miss Ligne qui viendra nous rejoindre. Oui. Et ça, ce sera aussi dans les semaines à venir. Je n'ai plus la date en tête. Enfin bref. Ouais. Il y aura aussi une petite chanteuse sympathique que Canon nous envoie qui viendra aussi dans les semaines à venir. Je ne sais plus quelle date non plus. Alors voilà. Moi, je vois le. Ça doit être le 14 novembre. Les Banksters. Ah oui, il y a Banksters aussi qui sera là. J'avais vu ça. Bien sûr, en plus c'est moi qui vous l'ai fait venir. J'avais complètement oublié, mais oui, Banksters sera là aussi. Party Song, c'est le 31. Party Song, c'est le 31 apparemment. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Ok. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est un peu pêle-mêle, mais. Ouais, mais bon, tout est là, ils sont pas dans l'ordre, mais vous aurez Banksters, vous aurez donc la délégation des candidates de Miss Lune qui seront là. Il y aura aussi également donc la petite chanteuse de je sais plus qui, de Canon, qui viendra aussi. Voilà, il y aura plein de beaux monde qui viendra. Il y aura Party Song aussi qui sera là. Donc, on aura de l'actualité, ça c'est clair. Et puis, on retrouvera aussi Onissa la semaine prochaine. Voilà, notre petit Tony oui. Sa qui nous préparera aussi une petite chronique. Ah Flip... oui, j'espère, ouais. Bien sûr. Flipkat aussi également. Bien sûr. Voilà. Mais non, moi je dis, je vais prendre les devants. Hein. Ça marche. Et nous, on prendra ça par derrière. Alors là, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné. On rêve, hein, éventuellement. J'ai droit. On a passé 22h30. Hein. Oui, tout à fait. On a passé 22h30. Mais je dis, c'est pas gagné. Bon, et eh ben en tout cas, merci à Sherlock. C'est vous en prie. N'hésitez pas à aller voir dès demain sur la page de l'émission pour le film Ciné Rétro 80. Ouais. Je vais en parler. Vous pourrez vous rendre compte un petit peu de ce film. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine de cette là. Oui, à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Surtout, ne quittez pas l'antenne, puisque on émet donc 24h sur 24 pour écouter donc le meilleur de la musique de l'ensemble de toutes les émissions de RQC. Oui. Voilà. Et puis, les petites scénettes à partir de 23h, bien évidemment. C'est ça. Et donc, eh ben, portez-vous bien d'ici là. Merci Arnaud. Sortez couvert. Ah ouais. Ah ouais, bah oui, oui. Eh ben, tu penses pas si bien dire. Ah bon, pourquoi? Ouais, il pense pas si bien dire, parce qu'en fait, le dernier titre que je vais passer là pour se quitter, c'est Bassland Boys avec On se calme. La semaine dernière, on avait parlé de Paul Hardcastle avec 19, où on entendait donc, c'était Yves Mourouzi, donc, qui parlait dans la chanson. On avait parlé, justement, qu'il y avait d'autres titres qui utilisaient un petit peu cette, ce gimmick, enfin ouais. cette façon de procéder, et notamment il y a les Bassline Boys qui avaient repris donc de Chavannes avec des phrases tirées, alors je pense que c'est de Ciel Montmardi, hein, il me semble. Oui c'est ça, ouais. Et donc de Chavannes qu'on connaît pas mal par son slogan ouais. Sortez couvert, et là c'était plutôt On se calme, donc on se quitte avec les Bassline Boys et On se calme, et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Bisous Sherlock. Bisous bisous. Et en espérant que tu feras caca dur la semaine prochaine. Hey, y a une devise qui dit chier mou, chier dur, mais chier dur, chier mou, chier dans le trou. Bon d'accord, au moins c'est dit. Ça c'est dit. Voilà. Okay. Non mais c'est plus important je pense. Hein. C'est bien, on termine sur une belle phrase. Ouais, c'est ça. Poétique. On termine sur la poésie. Allez c'est parti, ciao. c'est assez violent, hein. Daou, je ne ferai aucun commentaire. Fantaisie, éclaterie, entre guillemets. On joue un peu sur les mots quand même. Merci les enfants, vous avez bien fait, vous avez bien travaillé. À quelques applaudissements de la foule. Très bien.